إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence maintenant la deuxième intervention dans l'explication des six fondements al-usul sitta écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala avec les explications du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah dans son charh qui s'intitule Tamamul Minnah fi at-ta'liq 'ala sharh al-usul sitta. Et donc le premier fondement on a expliqué c'était au sujet de l'ikhlas. Al-ikhlas, c'est-à-dire la pureté, la sincérité, le tawhid et le fait de faire en sorte que notre aqida, notre tawhid, notre cœur soit exempt de toute forme de shirk, toute forme d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et dans la croyance. Le deuxième parmi les six fondements que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné, c'est l'importance de rester unis. L'importance de rester unis sur la vérité et de rejeter toutes les causes de division et les choses qui peuvent amener les musulmans à se diviser dans la religion. وجوب الاجتماع على الحق والنهي عن التفرق فيه. Et on va donc continuer parce qu'on n'a pas terminé l'explication de ce deuxième fondement. Donc on va terminer l'explication de ce deuxième fondement avant d'expliquer le troisième et le quatrième, inshallah. Et on était arrivé dans l'explication d'un point que le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen a rajouté dans son explication du deuxième fondement pour clarifier qu'est-ce qui nous aide à distinguer entre les groupes qui ont dévié et qui se sont séparés du groupe sauvé. Hein? Et on a expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, a annoncé que la Ummah dans l'avenir allait se diviser en 73 sectes. Et que parmi ces 73, il y allait avoir uniquement une seule secte parmi ces sectes qui va être sauvée de l'enfer. Exemple de la menace du châtiment. Et c'est comme les sahabas ont posé la question au messager d'Allah, laquelle va être sauvée? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, c'est celle qui a suivi ce que j'ai suivi moi-même ainsi que mes compagnons. Ce sur quoi je suis moi-même ainsi que mes compagnons, radiyallahu anhum. Et donc, le groupe sauvé, pour savoir quel groupe en est sorti, eh bien, le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, il a mentionné certains principes qui nous aident à savoir. Et il a cité à ce sujet-là les paroles de l'imam al-Shatibi dans son livre Al-I'tisam, Kitab Al-I'tisam. Et il mentionne que une des manières pour distinguer les gens qui ont dévié de la voie de la voie du groupe sauvé, de la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est qu'ils ont contredit un des fondements parmi les fondements d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Ils ont contredit une règle parmi les règles d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Et le Cheikh, il dit, on peut reconnaître ces groupes-là par certains signes. Par certains signes. Et parmi ces signes, il en cite quelques-uns, et donc on va lire maintenant ce qu'il dit à ce sujet-là. Il dit, premièrement, parmi les signes par lesquels on peut les reconnaître, ces groupes de déviation, c'est la division. C'est le fait qu'ils se divisent. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a indiqué cela dans plusieurs versets dans le Coran. Par exemple, le verset 105, dans surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit venue l'épreuve claire. Et le verset 64 dans surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à propos des kuffars, وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et nous avons jeté entre eux l'animosité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et ça, c'est un exemple qui s'applique à tous ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire tous ceux qui les imitent, qui imitent les gens du livre ou qui imitent les koufars, les juifs et les chrétiens. Eh bien, le résultat, c'est que ils vont tomber eux aussi dans al-adawata wal-barda, l'animosité et la haine les uns contre les autres, ce qui va les amener à se diviser à cause des innovations, à cause des égarements qu'ils ramènent. Et il dit que Ibn Wahb a rapporté, selon Ibrahim al-Nakha'i, un des imams parmi les imams des tabi'in, des salafs, que cela signifie al-jidal wal-khusumat fid-din, c'est-à-dire les débats et les disputes dans la religion. C'est ça qui ramène cette haine et cette animosité. Allah al-musta'an. Et il mentionne les versets qu'on a lus hier à ce sujet aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et ne vous divisez pas. Donc c'est l'ordre de se cramponner à la vérité. Le câble d'Allah, c'est la vérité. C'est le Coran, c'est la Sunna. Et c'est la voie des Sahaba. Et Allah, il nous interdit de nous diviser. Comme j'expliquais hier, la division, c'est interdit, c'est haram. De la même manière que l'union dans la religion et sur la vérité, c'est pas recommandé, mais c'est wajib, obligatoire. On n'a pas le droit de se diviser dans la religion. Ça fait partie des grands péchés. Et il dit ensuite, et il cite l'imam al-Shatibi, rahimahullah, il dit cette division, c'est la division qui amène l'apparition des sectes. Qui amène l'apparition des sectes. Et que la secte elle-même se divise en différentes sectes encore. Et ça, c'est ce que vous voyez chez les gens de Bid'ah. Vous voyez que la secte, par exemple, des Khawarij, lorsqu'elle est apparue, eh bien, cette secte-là elle-même s'est divisée en différentes sectes par la suite. C'est pour ça que vous avez différents groupes parmi les Khawarij. Et même aujourd'hui, Al-Qaïda, Daesh, et d'autres, Jabhat al-Nusra, tous différents groupes, parmi des groupes qui ont la mentalité, les idéologies des Khawarij et les fondements des Khawarij, mais ils se combattent tous les uns les autres. Parce qu'il y a différents groupes de Khawarij. Et même à l'époque des Sahaba, les premiers par exemple qui sont sortis, hein, ce qu'on appelle, ceux qui sont sortis à l'époque d'Ali radiallahu anhu, on les appelait Al-Haruriya. Al-Haruriya. Et il y a d'autres qui sont sortis par la suite. Al-Azariqa, hein, Al-Ibadiya, et d'autres. Hein. Donc il y a plusieurs sectes de Khawarij, plusieurs groupes. Et la même chose aussi pour les Shi'as. Il y a différentes sectes de Shi'as, il n'y a pas un seul secte qui s'appelle les Shi'as, non. Plusieurs parmi les Shi'as. Certains qui sont dans le kufr et dans le shirk, comme les Rafidah, qui sont la majorité. Les Shi'as, c'est les Rafidah. Ils ont plusieurs noms. Al-Ithna Ashriya, on les appelle Al-Ithna Ashriya. En français, ils ont traduit ça les déodécimains, c'est-à-dire les 12, ceux qui suivent les 12 imams. Hein? Et on les appelle aussi Al-Imamiya. Hein, ceux qui suivent les imams, qui prétendent suivre leurs imams, les descendants de Ali radiallahu anhu, ou bien on les appelle aussi Al-Ja'fariya, ça c'est un autre nom qu'ils se sont donné, mais en réalité c'est tous la même, ils font partie de ce qu'on appelle Al-Rafida. Et les ulama, ils disent les Rafida sont des kuffars, ils ne sont pas des musulmans. Pourquoi? Parce que ils insultent les sahaba, Abu Bakr, Omar, Uthman radiallahu anhum, et le reste des sahaba et les mères des croyants, Aïcha radiallahu anha et les autres. Hein? Ils les insultent et ils considèrent que ça fait partie de la religion que de les insulter. C'est-à-dire, ils s'imaginent que quand ils les insultent, Allah leur donne des hasanat pour ça. Wal'iyadu billah. C'est à quel point ils sont dans l'égarement. Hein? Ils ont fait d'un grave péché, d'un des plus graves péchés, une adoration. Et ils adorent la famille, les descendants de Ali radiallahu anhu, ils les prennent comme des divinités en dehors d'Allah. Ils adorent leur tombe, hein, et ils font des pèlerinages, et ils construisent des mosquées, des mausolées sur leur tombe. Et à chaque année, vous allez voir en Irak, en Iran, à Karbala, à Najaf, ils vont faire des pèlerinages à ces endroits-là. Et il y a des millions chaque année qui vont là-bas. Et c'est filmé, même on a des photos et des vidéos de ça. Et vous voyez le shirk en direct, comment ils le font, avec leurs rouleaux. Il y a quelques années, je me rappelle, ils ont montré même une vidéo où certaines personnes, ils ont installé un bureau, hein, un bureau près d'une des mosquées, où ils ont construit une mosquée sur une des tombes d'un de leurs 12 imams. Et quelqu'un, par exemple, si il veut faire une invocation ou demander quelque chose à un des imams, il appelle un numéro de téléphone de ce bureau-là. Eux, ils prennent le téléphone et le mettent en direction de la mosquée. Il y a un pour que la personne puisse faire son doua jusqu'à à côté de la mosquée de cet soi-disant imam. Toutes sortes d'exemples de shirk comme ça, yani Allah al-musta'an. Donc, ça c'est un autre exemple, comment ils se sont divisés, parce que ça c'est une seule des sectes, mais sinon il y a les autres sectes. Zaydiya, ils font des parties des sectes des Shia, Zaydiya, Al-Nusayriya, hein, Al-Ismailiya, les Ismailiya, il y a Al-Buhara, et il y a Al-Agakhaniya, hein? Et aussi il y a parmi les sectes il y a les Druze, hein? Les Druze qui font partie des sectes qui se disent Shia. Il y a beaucoup d'autres encore parmi les groupes des Batiniya, Al-Qaramita. Donc c'est pour dire, les sectes, une fois qu'elles sont divisées, il n'y a rien qui les empêche de se diviser par la suite encore. C'est comme des microbes, des bactéries. Hein? La bactérie, elle se divise, puis après, Chaque différente division de cette bactérie se divise elle aussi, et ça se divise par la suite de façon exponentielle, sans limite. Et donc les sectes de ces sectes-là, parmi les sectes des gens de Bid'a, sont comparables justement à ce genre de bactéries. Wala'iyadu billah. Et la même chose chez les autres. Hein? Donc ça, c'est une des caractéristiques des groupes qui ont dévié de la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a et du groupe sauvé, c'est qu'ils se divisent. C'est pour ça qu'on les appelle Ahlul Furqa wal Bid'a. Hein? Et certains parmi les ulama ont dit, ils sont devenus des sectes parce qu'ils ont suivi leur passion. Et ils ont opposé et contredit la religion à cause de la multiplicité de leurs passions. Donc ils se sont divisés. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne justement, il dit إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes. Verset 159 dans Surat Al-An'am. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté. Il a désavoué son messager de ses groupes et de ses sectes en disant لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Tu n'as rien à faire avec eux. Hein? Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à voir avec ces groupes et ces sectes. Et ce sont les groupes et les gens de Bid'a et les gens de qui suivent les égarements et qui suivent les idéologies, les philosophies qui contredisent le Coran et la Sunna et que Allah et son messager n'ont jamais permis. Puis il dit, l'imam al-Shatibi, il dit, et on a trouvé que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le prophète, ils ont divergé dans certaines règles de la religion, mais ils ne sont pas devenus des sectes. Ils se sont pas divisés de manière à devenir des sectes. Non, ils ont divergé, mais ils ne se sont pas divisés. Parce que leur divergence était dans des questions d'ijtihad, dans des questions sur lesquelles il n'y avait pas de texte clair et explicite dans la religion. Donc ils ont utilisé leur jugement selon les règles et les principes de la charia pour arriver à un verdict. Lorsqu'il n'y avait pas un texte explicite. Donc, c'est en réalité pour dire qu'ils ne sont pas dans la divergence qui est blâmable. Hein? Ils ne sont pas dans la divergence qui est blâmable. Ils n'ont pas divergé dans la aqida. Ils n'ont pas divergé dans les fondements, al-usul. Ils n'ont pas divergé dans al-manhaj, la voie, la méthodologie à suivre et la façon de comprendre le Coran et la Sunna. Non. Ils ont divergé dans des questions d'ijtihad entre eux, sur des questions dans lesquelles il est permis de diverger. Et donc, il dit le cheikh, des questions, il donne des exemples de questions sur lesquelles ils ont divergé. Comme par exemple, ils ont divergé à propos du grand-père et de la mère par rapport à l'héritage. Et cette divergence était entre Abu Bakr, Omar, Ali et Zayd sur des questions d'héritage. Ou bien à propos des esclaves, hein, qui avaient des enfants avec leur maître. Et qu'est-ce qui arrive, hein, à leur sujet après la mort de leur maître et du fait qu'elles deviennent libres ou des choses de ce genre, la divergence entre Omar et Ali sur ce sujet-là. Et les divergences sur des questions aussi d'héritage comme ça entre eux. Ou des divergences sur le divorce avant le mariage. Ou bien des divergences sur des questions qui ont rapport avec le commerce. Ils ont divergé dans des questions comme ça. Mais malgré ça, ils ont resté toujours dans la fraternité de l'islam. Et ils se sont toujours aimés et ils ont toujours été sincères les uns avec les autres en se donnant le bon conseil les uns aux autres. Donc, le fait qu'ils divergent dans des questions de ce genre ne les a pas amenés à se diviser. Mais lorsque sont apparues les divergences basées sur les passions par la suite, et les choses contre lesquelles le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait mis en garde, et que les animosités et les partis et les groupes sont apparus et que les gens ont commencé à se diviser en sectes après l'époque des salafs, eh bien c'est là que les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionnées au sujet de ces groupes d'égarements et tout se sont produites, et que le shaitan a commencé à insouffler dans le cœur de ses alliés ces différentes passions. Et donc le cheikh, il dit, l'imam al-Shatibi, il mentionne, il dit que dans chaque innovation ou dans chaque sujet qui sont apparus dans l'islam parmi les innovations que les gens ont divergé à leur sujet, on a toujours vu apparaître de la animosité et de la haine. Contrairement à qu'est-ce qui a rapport avec les divergences qui sont apparues entre les sahabas sur des questions d'ijtihad, sur ces questions-là, il n'y a pas eu d'animosité et de haine. Mais toutes les choses qui sont apparues par la suite, qui ont ramené de l'animosité et de la haine, et de couper les liens et de se tourner le dos l'un de l'autre, si tu vois ça, tout de suite tu dois savoir que ça veut dire que c'est une chose qui n'a rien à voir avec la religion. Et que c'est quelque chose qui est contraire à l'islam. Si tu vois que quand des gens divergent dans la religion, ça les amène à se détester les uns les autres, à se diviser les uns des autres, alors ça c'est le signe que ça c'est quelque chose qui est en contradiction avec l'islam. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire dans l'explication et dans le tafsir qu'il a fait des versets qu'on a cités tout à l'heure. Et l'exemple de ça, c'est ce qui a été rapporté de Aïcha radiallahu anha lorsque elle a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Aïcha, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an, ceux qui se sont divisés dans la religion et qui sont devenus des sectes, quand il dit ça, qui sont-ils? De qui parle-t-il? Elle a dit, Aïcha radiallahu anha a dit, Allah et son messager sont plus savants. Il a dit, ce sont les gens de la passion. Hum ashabul ahwa wa ashabul bid'ah wa ashabul dalala min hadihi l'umma. Il a dit, ce sont les gens de la passion, les gens de l'innovation, les gens de l'égarement parmi cette umma. Et il dit, c'est quelque chose qui est donc obligatoire, à savoir que pour chaque personne qui détient une intelligence, toute personne intelligente, toute personne qui est sur la religion et qui pratique bien la religion doit donc s'écarter de ça. Il doit donc s'écarter de ces choses-là. Et la preuve, c'est dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit: et souvenez-vous de la grâce d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis, et que Allah a réuni vos cœurs et que vous êtes devenus des frères par sa grâce. Donc, il dit, s'il y a de la divergence et que ça crée des coupures et des liens, c'est uniquement parce que ils ont innové et inventé dans la religion des innovations et qu'ils ont suivi leur passion. Donc c'est ça qu'il a dit, et c'est ça ce qui est apparent, et ça c'est apparent dans le fait que l'islam appelle à l'unification, à l'amour entre les croyants les uns les autres, à la miséricorde des croyants les uns les autres, à l'affection des croyants les uns pour les autres. Et toute opinion qui amène à une divergence, hein, qui fait sortir de ça, alors ça c'est en dehors de la religion. Hein? Et donc ça c'est une particularité, hein? Cette particularité elle a été établie par le hadith qu'on a mentionné, et cette caractéristique là de la division elle est présente dans toutes les sectes parmi les sectes d'égarement qui ont été mentionnées dans le hadith. Et il dit, ne vois-tu pas comment ou à quel point cette chose là est présente et apparente chez les Khawarij, ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, ils tuent les musulmans et ils laissent les gens de l'idolâtrie et les adorateurs des idoles. Et il dit, et le cheikh, dans les commentaires en note de bas de page, par le cheikh Raslan, hafizahullah, il donne un commentaire à ce sujet-là. Il dit, c'était à un point tel que, parmi les hommes de science, lorsque dans un pays il y avait des khawarij, et que quelqu'un voulait être épargné d'eux et les éviter, quand il passait près d'eux ou à côté d'eux et qu'il voyait des khawarij qui leur demandent « Qui es-tu ?» il disait « Je suis un mushrik, un kafir, je veux entendre la parole d'Allah. » Et quand il disait ça, il disait « Ok. » Parce que Allah il dit dans le verset 16 dans sourate At-Tawba, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. Si un d'entre les mushrikines demande ta protection, alors protège-le jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, puis amène-le à son lieu de sécurité. Mais s'il disait à ce khariji qu'il est musulman, qu'il fait partie des gens du Tawhid, il l'aurait tué direct. Hein? Donc c'est ça qui est étrange avec les khawarij. Tu leur dis que tu es un kafir ou un mushrik et que tu veux connaître, hein, tu veux entendre le Coran, ils te laissent en vie. Mais si tu leur dis que tu es un musulman, que tu es sur le tawhid, ils te tuent direct. Allahu musta'an dit, est-ce qu'il y a un égarement plus grave que ça? Donc le cheikh il dit, en citant les paroles de l'imam al-Shatibi, est-ce qu'il y a une secte dans laquelle la division et l'égarement est plus apparent que la secte des Khawarij, hein, parmi les groupes qui prétendent appartenir à l'islam, hein, est-ce qu'il y a une secte qui ressemble plus à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit dans cette parole, qui dit qu'il laisse les gens de l'islam puis il tue les gens de l'idolâtrie? Pardon, et le contraire, il tue les gens de l'islam et il laisse les gens de l'idolâtrie. Et donc, on voit que donc cette caractéristique de la division et de l'éloignement, elle est présente chez les gens qui, justement, sont dans ces sectes de déviation. Puis l'imam Shatibi, le cheikh, il cite un autre endroit, une autre caractéristique parmi les caractéristiques des sectes de déviation, c'est le fait qu'ils suivent la passion, ittiba'ul hawa. Et il dit que c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné lorsqu'il dit dans le verset 7 dans sourate Ala Imran, fa'amma alladhina fi qulubihim zayghun waz-zayghu huwa al-maylu 'an al-haqq ittiba'an lil-hawa. Il dit, mais en ce qui concerne ceux qui ont une déviation dans leur cœur, Zayr. Et il dit que Zayr, la déviation en question, c'est quoi? C'est de s'écarter de la vérité en suivant sa passion. C'est ça, Zayr. Et donc ça, c'est une caractéristique des gens de la déviation et de la division. De même que dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 50, dans sourate Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et qui est plus ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans aucune guidance venant d'Allah. Et le verset 23 dans sourate Al-Jathiyah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala 'ilm. N'as-tu pas vu celui qui a pris sa passion comme une divinité? Il a pris sa passion comme sa divinité. Et que Allah a égaré sciemment. Il l'a égaré avec science. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit ensuite, parce que la division, elle est connue après avoir touché et après être entré en contact. Après, yani, avant ça, peut-être que quelqu'un ne peut pas la connaître. Mais il y a des signes par lesquels on est capable de les reconnaître. Et il y a des signes qui indiquent la division depuis les premières paroles qu'on entend de cette personne. Et par exemple, lorsque tu le rencontres, il va commencer à blâmer ceux qui l'ont précédé dans la religion, dans l'islam, parmi les pieux prédécesseurs, parmi les salafs, ceux qui ont été connus pour leur science et pour leur piété et pour leur vertu, et que tout le monde ont pris comme exemple, parmi les salafs, les sahaba, les tabi'in, les tabi'in, tu trouves que ces gens de bid'a sont les premiers qu'ils attaquent et qu'ils critiquent dans la religion, c'est les salafs. Ça, c'est une des caractéristiques que tu vas retrouver chez presque tous les groupes d'innovation et de bid'a. Et soit qu'ils vont le faire de façon directe et explicite, ou soit qu'ils vont le faire de manière subtile et indirecte, pour se cacher. Donc, ils vont critiquer les pieux prédécesseurs, et ils vont glorifier ceux qui n'ont aucun mérite, et qui n'ont aucune glorification valable, et qui sont des personnes singulières, qui ont ramené des choses dans la religion qui n'ont aucun fondement. Il dit à la base de cet exemple, on retrouve l'exemple et la considération du takfir des Khawarij pour les Sahaba. Comment ils ont déclaré les Sahaba kuffar et comment ils ont blâmé ceux que Allah et son messager ont glorifié. Et que les pieux prédécesseurs sont tous d'accord pour les glorifier, eux, ils les critiquent. Et ils font l'éloge de ceux que tous les salafs sont d'accord pour les blâmer. Comme Abdurrahman ibn Muljim, celui qui a assassiné Ali radiallahu anhu. Ils font son éloge. Ils ont même fait des poèmes pour glorifier Abdurrahman ibn Muljim et pour glorifier ce qu'il a fait, en assassinant Ali radiallahu anhu. Donc, on voit tout de suite l'égarement de ces gens-là. Allahu al-musta'an. Et ils ont dit, à propos, en interprétant le Coran, ils ont dit, en parlant du verset 207, dans Surat al-Baqarah, et je vais vous mentionner en même temps la traduction de ces versets. Subhanallah. Donc, il cite le verset: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِرَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Et le verset qui est avant celui-ci: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Et vous allez voir sur qui ils appliquent ces deux versets. Le verset 204, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: il y a parmi les gens celui dont la parole dans la vie présente te plaît et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur Sur qui ils appliquent ce verset? Sur Ali radiallahu anhu. Et le verset 207 qui dit ce qui signifie: et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah, il l'applique sur qui? Abdurrahman ibn Muljim. Vous voyez comment il renverse la religion à l'envers. Hein? Allahul Musta'an. Et Imran ibn Hattan, hein, parmi les têtes des Khawarij, il fait un poème dans lequel il glorifie Abdurrahman ibn Muljim. Il glorifie Abdurrahman ibn Muljim. Et Imran ibn Hattan, c'est un des hommes qui est rentré dans la secte des Khawarij à la base à cause d'une femme. Il dit, hein, il voulait épouser une femme parmi les Khawarij. Et il pensait qu'il allait la faire revenir à la Sunna. Finalement, c'est elle qui l'a fait tomber dans la bid'a des Khawarij. Il est devenu un Khariji. Il a dit, je vais la marier, puis après je vais la convaincre, elle va revenir à la Sunna. Et puis, elle lui a fait la da'wa, Finalement, c'est lui qui est tombé dans la bid'a. Nasallallahu al-afiyah. Ça, c'est pour indiquer en même temps qu'il ne faut pas s'imaginer que les Khawarij, c'est juste des hommes. Il y a parmi les femmes des Kharijiyas qui sont plus fanatiques, plus extrémistes même que certains hommes. Nasallallahu al-afiyah. Et donc, c'est pour ça un avertissement pour les sœurs aussi, hein, qui écoutent à la radio ou qui vont écouter ce cours par l'enregistrement plus tard, de faire attention et de prendre garde que ce n'est pas toutes les sœurs qui ont l'apparence d'être sur la sunna, hein, et qui donnent l'apparence d'être salafia qui sont nécessairement sur la salafia. Faites bien attention. Même si vous voyez ces sœurs-là qui portent le niqab et les gants et qui parlent de l'islam et du tawhid, faites bien attention. Il y en a parmi celles-là, elles n'ont rien à voir de la sunna. Elles détestent, hein, les salafis et la salafia et les ulama. Allahul Musta'an. Ils font takfir de tous les savants de l'islam qui sont sur la sunna et de tous les dirigeants musulmans, hein, et elles invitent à la voie des Khawarij d'aujourd'hui, que ce soit Daesh ou Khawarij de Qaïda ou autre, hein, et elles vénèrent Ben Laden et les gens qui sont sur leur méthodologie. Faites attention. Et faites attention aussi les frères à ce genre de femmes, hein. Si on vous présente des sœurs pour vous marier, puis que vous découvrez que c'est des sœurs qui ont des idées des Khawarij, fuyez ces femmes-là, éloignez-vous d'elles, parce que c'est des femmes dangereuses. Et donc, le cheikh, l'imam Shatibi, il dit, celui qui a interprété les versets de cette façon, qui a glorifié Ibn Muljim, et qui a critiqué Ali radiallahu anhu, il a menti, que Allah le maudisse. Il dit, lorsqu'il a vu, hein, si tu vois quelqu'un qui est sur cette voie là sache que il est parmi les sectes qui ont dévié. Wal'iyadu billah. Et on a fait des cours à Québec dans le dernier séminaire sur les Khawarij. Je ne les ai pas encore édités, je ne les ai pas mis sur le site encore, mais lorsqu'ils vont sortir, Inch'Allah, vous pourrez les écouter. Il y a beaucoup de détails comme ça, très, très importants, et qui clarifient beaucoup de choses, Inch'Allah. Et le Cheikh, il dit ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, voici donc des signes clairs et apparents, et voici des règles, hein, qui ont été réunies. Donc, faites un effort pour essayer, hein, de les comprendre et de les connaître, parce qu'il y a dedans le remède, hein, pour comprendre la réalité de ces choses. Et donc, même si le cheikh il n'a pas cité de nom de groupe ou de secte en particulier, mais tu peux rentrer dans ce principe-là, tous les groupes qui ont dévié de la voie de la sunna, que ce soit les Khawarij, que ce soit les Shia al-Rafida ou autres parmi les Shia, que ce soit les Mu'tazila, les Jahmiya, les Asha'ira, les Maturidiya, les différents Turuq Soufiya, tous ces groupes-là, ça rentre là-dedans, les Diobandiya et yani, Tablir, Jamat Tablir, la même chose. Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans, et les groupes, et les gens qui font partie de ces groupes-là, et qui les suivent sciemment, et qui appellent à ces groupes-là. De même que Hizb al-Tahrir, Daesh, Al-Qaïda, et tous les autres groupes et les tendances. Et il ne faut pas se limiter uniquement à des noms, parmi les noms, parce que des fois les gens ils s'attachent seulement à des noms. Ou si on met en garde contre des groupes, ils se limitent uniquement aux noms qui ont été mentionnés. Et ça, c'est une erreur parce que dans chaque pays, il y a des groupes différents avec des différents noms et que en réalité, c'est des groupes d'égarement qui suivent les mêmes voies que ces groupes-là. Donc peut-être que dans un pays, ils sont connus par un nom. Dans un autre pays, ils ne sont pas connus par ce nom-là, ils sont connus par un autre. Donc toi, si tu te bases uniquement sur le nom, peut-être que tu vas penser que ceux qui sont dans ce pays-là ou dans un autre pays, qui ont un autre nom que eux, ils sont corrects, alors que c'est la même chose. Donc le plus important, c'est de comprendre les principes et les règles. Une fois que tu as compris les principes et les règles, après tu peux les appliquer sur n'importe quel groupe qui se présente. Et c'est ça que les ulama, ils essaient de faire comprendre. Et c'est pour ça que le Cheikh Ibn Uthaymeen ici, il n'a pas cité de nom particulier. Parce que les gens, des fois, ils ont un esprit limité. À Montréal, ici à Montréal, avec toutes les mosquées qu'il y a, tu vas rentrer dans toutes les mosquées, parmi les mosquées des Ikhwan al-Muslimin, parmi les Hizbiyin. Il n'y en a pas une où tu vas trouver que les gens, ils ont écrit dedans, on est avec les frères musulmans. On suit l'Ikhwan al-Muslimun. Il n'y en a pas une qui dit ça, ouvertement ou clairement, à part peut-être certains. Mais la majorité des autres qui sont sur le même manhaj que le manhaj des Ikhwan de Hassan al-Banna, ils ne le disent même pas. Donc toi, tu rentres là-bas, tu écoutes, tu vois, قال الله, قال رسول الله, et ils citent des noms. Toi, tu dis, ah, mais ils ne disent pas Ikhwan, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas des Ikhwan. Peut-être même ils vont dire ouvertement, on n'est pas des Ikhwan, on n'est pas des frères musulmans, alors qu'ils sont sur le même manhaj que eux. Donc la personne qui est mourafal, insouciante, et qui ne comprend pas les règles et les principes, elle peut facilement se laisser tromper et suivre ces idées, ces voies-là en disant, ah mais c'est pas un groupe. D'égarement, on les a pas trouvés en train de mentionner ces noms-là. C'est pas les noms seulement. Il faut voir les réalités, les principes, les règles, les références, les fondements. C'est ça que le cheikh il essaie d'expliquer ici. Et donc, il dit qu'il y a des caractéristiques par lesquelles tu peux distinguer les groupes d'égarement. Et savoir la différence entre ces groupes-là et le groupe sauvé et victorieux. Premièrement, Cheikh il les résume. Premièrement, ils suivent la passion. Et il dit que la Umma s'est divisée uniquement lorsque des groupes ont commencé à suivre leur passion et ils ont mis leur passion devant la vérité. Et ils se sont divisés en différentes branches innombrables à partir de ce moment-là. Deuxièmement, ils divergent dans la religion de manière à ce qu'ils sèment l'animosité, la division, et ils se divisent en groupes qui se détestent et qui s'opposent et qui se haïssent les uns les autres. Donc toute question et tout sujet dans lesquels il y a une division qui a amené l'animosité et de la haine entre les groupes, eh bien ça c'est un des signes que ces gens-là, ils sont sur une voie d'égarement, parmi les groupes d'égarement. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par la haine? Et ça aussi, il y a un point qui est important à comprendre. Une chose qui est importante à comprendre, c'est que les gens, quand ils se séparent de la vérité et qu'ils quittent la voie des salafs, ok, ils vont contredire ce que suivaient les sahaba. Et c'est sûr qu'entre les gens de la vérité et les gens du faux, il y aura toujours une haine et une animosité. Ça, c'est normal. Parce qu'ils ont contredit la vérité. Les gens de bid'a et les gens de l'égarement, eux, ils opposent toujours la vérité. Donc, cette animosité-là, elle reste. Elle est valable. Parce que le croyant, il aime pour Allah, il déteste pour Allah. Il aime la vérité et celui qui suit la vérité pour Allah. Et il déteste le faux et celui qui suit le faux pour Allah. Donc cette animosité-là, elle demeure jusqu'à ce que la personne qui est déviée et qui a renié la vérité revienne à la vérité. D'accord? Mais, yani par la suite, tu vois que les gens de l'innovation, eux, c'est à cause d'eux que cette haine et cette animosité-là est apparue. Sinon, à la base, il n'y en aurait pas entre les musulmans de cette animosité-là. Comme les sahaba, ils s'aimaient tous les uns les autres avant que les innovations apparaissent, hein, parmi les gens de l'innovation. Eh bien, il faut savoir ça, il faut comprendre ça de cette façon-là. Parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir des gens de bid'a parmi les hizbiyin qui vont venir vers vous, qui vont vous dire « Ah, mais c'est les salafis qui font de la fitna, et c'est eux qui divisent les musulmans, et c'est eux qui font des problèmes, et c'est eux qui font de la division. » Et tu leur dis, mais comment ils font la division? Et comment ils amènent l'animosité? Et comment ils font ça? Ils disent, parce que eux, c'est eux qui disent, Ikhwani, Soufi, Tablighi, Jihadi, Khariji et tout. Ils amènent des noms. Pourquoi vous divisez? Pourquoi vous mentionnez des noms? Hein? Mais ces noms-là, c'est pas les salafs qui les ont ramenés. C'est les gens de bid'a qui ont ramené ces noms-là. C'est eux qui ont amené ces innovations-là, à la base. Donc, ce n'est pas les salafis qui ont créé cette division-là et qui l'ont amenée. C'est vous, les gens de bid'a, qui les avez amenés. Hein? Donc, c'est comme si c'est eux qui créent le problème, puis après, ils accusent les autres du problème qu'ils ont créé eux-mêmes. Donc, ça, c'est leur petit jeu. C'est ça qu'ils jouent. Hein? Donc, celui qui met en garde contre les... C'est-à-dire, il pense que le fait de ne pas mentionner les noms, ça élimine la division. Mais la division, elle est là, même si on ne mentionne pas les noms. Hein? Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font semblant que tout le monde est d'accord. Non, on va tous s'unir, puis on va tous travailler entre nous. On va tous travailler ensemble. Et on va collaborer ensemble sur les choses sur lesquelles on est tous d'accord. Hein? On est d'accord qu'il y a 5 prières par jour. On est d'accord qu'il y a le jeûne du Ramadan. Hein? On est d'accord sur le fait qu'il y a 5 piliers dans l'islam. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est le premier pilier. Hein? On est d'accord qu'il y a 6 piliers de la foi. Oui, en apparence, ça semble être vrai. Mais lorsqu'on rentre dans les détails et la réalité de la religion, qu'est-ce que signifie la ilaha illallah? Qu'est-ce que signifie Muhammad Rasulullah? Qu'est-ce que signifient les 6 piliers de la foi? Comment on comprend l'iman billah? Comment on comprend le tawhid d'Allah? Est-ce que c'est la compréhension des jahmiyyah du tawhid? Ou la compréhension des soufiyyah du tawhid? Ou la compréhension des mu'tazila? Ou la compréhension des asha'ira? Chacun, ils ont un tawhid différent, innové, qu'ils ont tiré de Platon et Aristote, au lieu de prendre leur compréhension de Abu Bakr, Omar et Ali, radiallahu anhum, et Uthman, radiallahu anhum, ajma'in. Hein? C'est pas juste les mots, hein, les apparences. On dit, on est tous musulmans, on est tous sur l'islam. Qu'est-ce que c'est l'islam? Qu'est-ce que c'est la réalité de l'islam? Hein? C'est pour ça aujourd'hui, vous voyez les koufars qui disent on n'a rien contre l'islam et les musulmans, on est juste contre par exemple on est contre ceux qui font ça ou ceux qui ont un islam comme ça ou un islam comme ça. Donc ça veut dire que ils ont un problème avec, en réalité, de définir qu'est-ce que c'est la réalité de l'islam. Sinon, n'importe qui peut se dire musulman, même un chrétien peut se dire musulman, même un juif peut se dire musulman, même un athée peut se dire musulman. Tout le monde peut se dire musulman, mais c'est quoi la réalité de l'islam? Est-ce que n'importe qui dit qu'il est musulman, ça veut dire qu'il est automatiquement musulman, peu importe qu'est-ce qu'il a comme croyance, peu importe qu'est-ce qu'il fait comme pratique? Hein, Cheikh Al-Fawzan, combien de fois il répète ça, hein, dans son charh de Kitab al-Tawhid, au début, dans l'introduction, les cinq premiers chapitres, à chaque fois il mentionne ça. Il dit, oui, l'islam, il dit, vous voyez des groupes, ils disent tous, oui, l'islam. Mais c'est quoi la réalité de l'islam? Ils ne veulent pas que tu l'expliques aux musulmans. Ils ne veulent pas que tu le clarifies aux musulmans, parce qu'ils veulent tous que tout le monde soit d'accord sur, peu importe qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme islam. Et inventer dans leur esprit leur propre islam. Hein? Ça, c'est pour ça que Cheikh Al-Fawzan, à chaque fois, il explique. Et puis, ce n'est pas seulement Cheikh Al-Fawzan. Tous les ulama de la sunna, c'est ça ce qu'il explique, c'est ça ce qu'il clarifie. Hein? Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a écrit, tous ces livres qu'il a écrits, c'est justement pour clarifier les fondements et la réalité de l'islam. Al-Usul al-Thalatha, Al-Qawa'id al-Arba'a, Al-Usul al-Sitta, Kitab al-Tawhid. Tous ces livres sont écrits pour clarifier les fondements et la réalité de l'islam. Et pour expliquer et clarifier qu'est-ce que c'est la réalité d'un musulman et qu'est-ce qui le distingue du non-musulman. Hein? Et pour clarifier qu'est-ce que c'est le musulman qui est sur la sunna pour le distinguer du musulman qui n'est pas sur la sunna. C'est ça qui est important, c'est ça qu'on veut comprendre et c'est ça qu'on doit comprendre. Donc le cheikh il dit que s'il y a une divergence, hein, c'est très facile à le clarifier si on suit la méthodologie de nos pieux prédécesseurs et qu'on suit le fondement des gens de la sunna et de ceux qui se rattachent réellement à la sunna. Et quand ils ont une divergence, ils n'ont aucun problème à le régler. Et ils le règlent de façon très rapide. Comment ? Parce qu'ils ramènent leur divergence au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour régler la divergence. Et ça éteint tout de suite le conflit. Et de ramener les choses à Allah signifie de le ramener à son livre. Et ramener les choses au messager signifie de les ramener au messager durant sa vie et à sa sunna après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est le remède. Hein? C'est ça le remède de tous ces problèmes. Donc, ceux qui, parmi les ulama, le alim, qui est rabbani, qui se base sur le Coran et la sunna, qui revient à la compréhension des salaf, qui savent comment tirer du Coran et de la sunna les verdicts et les règles, ceux vers qui on retourne lorsqu'il y a des situations dans la Ummah et des grands malheurs ou des fitanes, des grands problèmes, c'est vers eux qu'on retourne, nos grands ulama, hein, on retourne vers eux pour clarifier des divergences. Et eux, on leur dit, quel est le verdict de ceci ou de cela dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager? Et quand il y a une divergence, hein, on ramène ces divergences-là au Coran et à la Sunna et la divergence elle est tout de suite réglée. Donc il dit, sache que la personne, si tu l'amènes à revenir au Coran et à la Sunna lorsqu'il y a une divergence, il a deux choix. Il a deux choix. Soit que il ne ramène pas à la base la divergence au Coran et à la Sunna, ou bien que il le ramène au Coran et à la Sunna, mais ils ne savent pas comment ramener les choses au Coran et à la Sunna de manière correcte. Donc quand ils ramènent les choses au Coran et à la Sunna, ils ne savent pas comment extraire comme il faut les verdicts du Coran et de la Sunna, donc ils finissent par suivre leur passion malgré tout. Parce qu'on ne peut pas se baser sur uniquement la logique dans ces questions-là. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de ramener les divergences au Coran et à la Sunna. Mais si tu ramènes les choses à ta logique, ou à ton intelligence, ou à ta compréhension personnelle, ça, ça ne va pas régler le conflit, ça ne va pas régler la divergence. Donc, quand tu ramènes les divergences, il faut réellement la ramener au Coran et à la Sunna. Donc le cheikh il donne un exemple. Il dit si quelqu'un par exemple, il dit va voir, va à tel endroit, puis tu vas trouver un remède à ton problème ou à ta maladie. Puis que tu arrives à cet endroit-là, puis que tu ne trouves pas le remède. Donc il dit, tu vas dire, soit que la personne qui m'a envoyé là, il est ignorant, il ne sait pas qu'est-ce qui sort de sa tête, ou soit que c'est un menteur. Ou bien c'est quelqu'un qui dit n'importe quoi, il parle pour rien. Et ça, c'est impossible de dire ça à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah il nous ordonne de ramener la divergence au Coran et à la Sunna, puis qu'on ne trouve pas la réponse et le remède dans le Coran et la Sunna. Ça veut dire que c'est certain que la réponse à la divergence en question, elle est présente dans le Coran et dans la Sunna. C'est pas possible qu'on la trouve pas. Hein? C'est pas possible. Donc Allah il nous ordonne de ramener la divergence au Coran et à la Sunna, et c'est donc pas possible qu'on ramène la divergence au Coran et à la Sunna puis que la divergence ne soit pas clarifiée par la suite. Impossible. Hein? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est plus savant et plus sage et plus véridique que quiconque. Et sa parole ne peut être que vérité et son jugement ne peut être que justice. Et s'il nous ordonne de ramener, si Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de ramener la chose à sa parole, c'est pas pour rien, c'est pas pour jouer, c'est pas un mensonge et c'est pas de l'ignorance non plus. C'est impossible qu'on trouve pas la réponse. Donc il dit que la divergence entre les gens de la sunna, c'est la plus facile des choses à régler lorsque on a la personne qui est présente pour nous clarifier la signification de ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna pour trouver le verdict d'Allah et le verdict de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, une des choses qui peut caractériser les groupes qui ont quitté et qui sont sortis de la voie le sunnah du groupe sauvé, c'est que lorsqu'ils se divisent et qu'ils divergent, cela crée de la division et de la divergence. Et donc il dit, si on médite et on regarde l'exemple des sahaba, et quand il y avait entre eux par exemple une divergence entre les sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qui va être le khalifa, hein, qui va être le khalifa après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Hein? Et là, les sahaba, ils se posent la question, qui va être le khalifa? Et il y a un groupe parmi les ansar, et parmi les muhajirin, hein? Les ansar se sont réunis dans un endroit. Un endroit où ils allaient, par exemple, c'est un endroit où ils allaient pour s'asseoir puis discuter entre eux. Et il y avait un toit avec de l'ombre, hein, et il s'assoit là-bas pour se réunir et parler, qui appartenait à Bani Saïda. On l'appelle ça Saqifa Bani Saïda. Et là, ils ont commencé à parler, à savoir qui va être le khalifa. Abu Bakr et Omar sont venus et ils ont vu que ce groupe parmi les Sahaba qui font partie des Ansar commence à discuter qu'ils veulent prendre un khalifa parmi eux. Et il y en a d'autres parmi eux qui ont suggéré une année ou bien un moment, une fois on va prendre un khalifa de chez vous, puis une autre fois on va prendre un khalifa de chez nous. On va faire chacun notre tour. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, il a dit, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, al-a'immatu min Quraysh. Les dirigeants sont de Quraysh. Hein? Et ils ont dit, hein, Abu Bakr et Omar, ils ont expliqué, ils ont dit, nahnu al-umara wa antum al-wuzara. Hein? Nous, on est les dirigeants, vous, vous êtes les ministres. Hein? Alors, tout de suite, ils se sont arrêtés leur divergence. Tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Al-a'immatu min Quraysh ». Le débat, il est fini, il est clos. Hein? Il n'y en a plus de dispute, plus de discussion, plus rien. C'est réglé, ça y est, khalas. Abu Bakr, ils ont dit « Bon, Abu Bakr, c'est toi le khalifa. » Et c'était réglé. Facile, rapide. Il n'y a pas eu de, hein, d'élection, de vote, campagne électorale. Hein? Il n'y a pas eu de coup d'État ou rien. Direct. Ils ont donné la bay'a, ils ont dit, Abu Bakr, étends ta main. Ça y est, c'est toi le khalifa, on donne la bay'a, ça y est, khalas, c'est fini. Ça a pris quelques minutes. Parce qu'ils se sont arrêtés à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le dalil est venu, la question était réglée. Comme aujourd'hui tu vois des musulmans parmi des gens qui ont été influencés par les idéologies des koufars, de la démocratie, de la laïcité et d'autres choses. J'écoutais ça une fois dans une entrevue dans un pays musulman, une femme musulmane qui dit il y a du harcèlement sexuel dans les lieux de travail. Dans un pays musulman, il y a du harcèlement sexuel pour les femmes dans les lieux de travail. Il faudrait qu'on crée une loi pour interdire le harcèlement sexuel. Il dit, subhanallah, il n'y a pas ça dans le Coran. Déjà, depuis plus que 1400 ans, subhanallah, toi aujourd'hui... En l'an 2000, je ne sais pas quoi, yani, tu commences à vouloir penser à dire qu'il faut créer cette loi-là, alors que le Coran et la Sunna, ils ont clarifié toutes ces choses-là depuis des siècles. Nasallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'est des gens comme ça, tu vois, ils vont faire des débats. Regardez maintenant, ici au Canada, ils veulent permettre ils veulent légaliser la marijuana maintenant. Hein? Regardez combien de débats. Combien de discussions, combien d'articles, combien d'études ils ramènent pour savoir est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va pas le faire, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Alors que pour un musulman, un verset, un hadith, ça suffit, il n'y a plus de débat, c'est réglé. Hein? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque les gens de la sunna, ils ont une divergence, c'est très facile de la régler. Hein? C'est pas comme les gens de bid'ah. Eux, non, ça finit jamais. Pourquoi? Parce que même si tu leur ramènes 1000 dalils, ils vont jamais être convaincus de ce que tu dis. Nasallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils suivent leur passion, ils sont aveuglés. Et c'est pour ça que tu finis jamais de discuter avec ces gens-là. Si tu commences à essayer de leur parler, même si tu leur ramènes des versets du Coran, des hadiths de la sunna clairs sur le sujet, des paroles des imams, des ulama, ça finit pas avec eux, jamais ça finit. Pourquoi? Parce qu'ils suivent leur ahwa, leur passion. Les dalils, ça suffit pas pour eux. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, مخالفه الاصول التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. Ils contredisent les fondements que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené. Et parmi ces fondements là, hein, tous les fondements de Ahlus Sunnati wal Jama'a, au sujet de la Aqida, au sujet du Manhaj, tout ça, ça a été clarifié par les imams. L'imam Ahmad, il a écrit un livre, Usul Sunnah. Hein? Ça, c'est un d'entre les imams. Combien d'imams autres que lui qui ont écrit également des livres qui résument les fondements d'Ahl Sunnati wal Jama'a? Donc, celui qui contredit des fondements parmi ces fondements-là, tous ces fondements-là, l'imam Ahmed, il ne les a pas sortis de sa propre tête. Il ne les a pas inventés lui-même. Tout ça sont des fondements qui sont tirés des preuves du Coran et de la Sunna, authentiques. Hein? Donc, tous, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il interdit la division dans la religion. Alors qu'eux, ils se divisent dans la religion. Hein? Il y en a même parmi ces gens-là, je ne vais pas mentionner le nom, mais il y en a parmi ces gens-là qui disent, oui, dans l'islam, il y a la pluralité, il y a le pluralisme, hein? La diversité. Hein? Il dit, tous ces sectes-là qui existent, nasallallahu al-afiyah, shi'a, khawarij, mu'tazila, jahmiya, ça c'est la diversité de l'islam. A'udhu billah. Hein? C'est comme s'il disait, les chrétiens, les juifs, ça c'est la diversité. Alors, c'est pas la diversité, c'est l'égarement. L'exemple aussi, non seulement il se divise dans la religion, donc il contredit ce fondement de s'unir et de ne pas se diviser. Non seulement il se divise, mais même ils essaient de justifier. Hein? Et de faire l'apologie de la division dans la religion. Et ils disent, on s'excuse les uns les autres dans les choses sur lesquelles on est divisé dans les fondements de la religion. Comme la règle d'or chez les Ikhwan, les frères musulmans. Ils disent, نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. On collabore entre nous sur les choses dans lesquelles on est d'accord, mais on s'excuse dans les choses sur lesquelles on diverge. Hein? Et même, j'ai entendu un d'entre eux à Montréal, ici. Hein? Maintenant, on n'entend plus beaucoup parler de lui, mais à un certain moment, là, il était très populaire. Il disait, à propos des Juifs, il dit, on est d'accord sur 95% de la religion. Puis on a divergé, nous et les Juifs, on a divergé sur 5%. Donc pourquoi on ne travaille pas sur le 95% sur lesquels on est d'accord? J'ai dit, Hajib, ce 95%, hein, c'est quoi? Et ce 5% que tu mentionnes, est-ce que ce n'est pas le tawhid? Est-ce que ce n'est pas la foi en les messagers? Est-ce que ce n'est pas la foi en les livres? Est-ce que ce n'est pas ça la base même de l'islam? Donc ce 5% là pour toi, il est pas important, tu le mets à côté, on s'excuse là-dedans. Puis le 95%, on travaille dessus quoi, on est d'accord avec eux, avec les juifs, sur le fait qu'il faut être bon envers nos parents. Hein? Même les chrétiens sont d'accord avec ça, même les athées parfois ils sont d'accord avec ça. Hein? Tu vas dire, ah ben on va s'unir entre nous, on travaille entre nous parce qu'on est d'accord sur ça. Alors que sur les fondements on est en désaccord. Où est-ce qu'elle est la logique là-dedans? Donc il ne faut pas ouvrir la porte à la division dans la religion au nom de cette pluralité comme ils disent là. La division dans les fondements de la religion c'est interdit, et les innovations dans la croyance et dans les fondements c'est interdit. Donc il dit, c'est ça ce que font tous ceux qui ont sorti de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit tout ça. Hein? Et donc ça, c'est un fondement parmi les fondements de la religion, une base parmi les bases de la religion. Hein? Donc c'est pour ça que le cheikh, il a mentionné parmi les fondements, cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné ça parmi les fondements, les 6 fondements qu'on est en train d'expliquer. Et eux, ils ont contredit ce fondement-là parce qu'ils ne font pas partie des gens de la Sunna. Hein? Le point numéro 4, le fait qu'ils se basent sur leur raison pour prendre leur aqidah et leur religion, et ils délaissent les preuves de la révélation du Coran et de la Sunna. Ça, c'est le quatrième parmi les exemples des fondements de ces gens qui ont quitté la voie d'Ahl Sunna et la voie des salafs. Et le cinquième, et c'est le dernier que le cheikh a mentionné, at-ta'nu fi ulama'i ahli sunnah. Hein? L'insulte et le dénigrement des ulama de Ahl Sunnah, des gens de la Sunnah. Et ça, c'est une des caractéristiques de toutes les sectes qui ont dévié parmi les sectes d'égarement. C'est pas possible qu'une secte qui dévie de la Sunna, n'insulte pas les salafs, les sahaba et les imams d'Ahl Sunnah. C'est pas possible. Et donc, c'est pour ça que tu retrouves chez eux des insultes et des dénigrements des imams de la Sunna. Le troisième fondement parmi les fondements que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a expliqué dans son livre Al-Usul al-Sitta, c'est un des fondements qui est parmi les fondements les plus importants des salafs. As-sam'u wa ta'a liman ta'ammara alayna. C'est-à-dire l'écoute et l'obéissance de ceux qui ont l'autorité sur nous et qui ont le commandement sur nous, c'est-à-dire les dirigeants. De les écouter et de leur obéir dans le bien. C'est-à-dire, s'ils nous ordonnent ce qui est bien. S'ils t'ordonnent de faire un péché, de désobéir à Allah, dans le péché, tu dis non, j'obéis pas dans le péché. Mais tu continues à obéir dans le reste de ce qui est bien. D'accord? Tu vas pas dire, ah, ils m'ont ordonné un péché, alors j'arrête de les écouter complètement. Je les obéis plus du tout. Comme certains parmi les khawarij. Ils disent, ah, lui, il a fait un péché, il a ordonné un péché, ça y est, j'écoute. Je l'écoute plus. Je l'obéis plus dans rien. Non. Tu l'obéis dans le bien. Dans le péché, non, mais dans le reste, oui. Hein? C'est ça qu'il faut comprendre. Et ici, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit, parmi les choses qui aident à établir et compléter l'union et le fait que les musulmans sont réunis, il y a l'obéissance, l'écoute et l'obéissance de celui qui a le commandement sur nous, même si c'est un esclave éthiopien. Hein? Ça veut dire quoi? Ça, c'est une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith. Et c'est pour faire comprendre aux Arabes de son époque, qui étaient un peuple, hein, qui était habitué avec la différence, hein, du dénigrement de tous ceux qui sont étrangers, de tous ceux qui sont, hein, esclaves. Ils les voient comme étant inférieurs aux Arabes. C'est un esclave, en plus un étranger, un Éthiopien, et qui va être notre chef et notre dirigeant, et on va lui obéir, hein, pour les Arabes de la Jahiliya, ça c'est impossible. Un arabe de la Jahiliya, avant l'islam, impossible. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient pour casser la Jahiliya. Il vient pour détruire cette Jahiliya. Et il vient pour expliquer aux musulmans que le principe de l'obéissance et de l'écoute du dirigeant, elle est au-dessus de ces détails insignifiants d'origine et de couleur. Si jamais il y a quelqu'un qui a le dessus sur vous, qui a le pouvoir sur vous, et que peu importe sa couleur, peu importe son origine, si c'est lui qui est votre dirigeant, vous devez l'écouter et lui obéir dans le bien. Parce que d'être unis sur la vérité entre vous, c'est plus important que toute autre chose parmi ces choses-là. Donc même si c'est un esclave éthiopien, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué cela de façon claire et de façon suffisante. De différentes manières. Hein, il a expliqué cela de manière différente, par la révélation et par les exemples de la réalité, de qu'est-ce qu'il a prédestiné. Et il dit, puis ensuite, on voit que la plupart des gens, parmi ceux qui prétendent posséder la science, hein, ne connaissent même pas ce principe-là. Alors, que dire, hein, de l'application de ce principe? S'ils ne savent même pas le principe lui-même, que dire de son application? Hein? Allah al-Musta'an. Et donc, il dit, le Cheikh Al-Fawzan, le Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, donc il explique chaque point de cette parole. Donc, parmi les choses qui fait partie de le fait de compléter le sens de l'unité, de se réunir, sur la vérité, il y a l'écoute et l'obéissance du dirigeant. Donc il dit que l'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne ici que l'écoute et l'obéissance du dirigeant, hein, ça vient compléter l'union, entre le sens d'être uni dans l'islam, en mettant en application et en respectant, hein, le commandant, celui qui est au commandement sur nous, et de délaisser ce qu'il a interdit aussi. Même si celui qui est chef ou dirigeant sur nous est un esclave éthiopien. Il dit, et cela a été clarifié d'une manière qui est suffisante et qui remédie à tout problème. Et il dit, il a expliqué dans la révélation, il dit ça c'est dans le Coran et dans la Sunna, et parmi les exemples de cela, le verset dans Surat An-Nisa, le verset 59, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله يزيد dans ce verset, ce qui signifie, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Hein? Et il dit, وقوله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Et le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, dans le verset 46 dans Surat Al-Anfal, obéissez à Allah et à son messager et ne divergez pas, hein, ne vous disputez pas, parce que sinon vous allez échouer et vous allez, hein, votre force, hein, va partir, vous allez perdre votre force. Et soyez patients et endurants, car certes Allah est avec les endurants. Et le verset 103 dans Surat Al-Imran, qu'on a cité tout à l'heure, et cramponnez, qui signifie, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et on a fait le charh du livre dans les cours à la mosquée d'Un-Nurayn, on a fait le livre Al-Amru Biluzumi Jama'at al-Muslimin wa Imamihim wa Tahdhiru min Mufaraqatihim du Cheikh Abdus Salam ibn Burjis, dans lequel il explique et il élabore sur cette question-là en détail. Hein? Et on a clarifié toutes les preuves à ce sujet-là. Il dit, donc parmi les choses de la sunna aussi qui clarifie ce principe, et là il énumère une série de hadiths à ce sujet-là. Donc on va juste les traduire. Et c'est pour savoir en fait que beaucoup de gens parmi les gens de bid'ah, même parmi ceux qui sont des savants, qui se prétendent ou qui sont connus parmi eux comme étant des savants. Et je donne comme exemple à ce sujet-là Al-Qardawi. Vous savez que cet exemple ici de l'écoute et de l'obéissance aux dirigeants, ça c'est un principe connu parmi les principes d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Et les ulama des salafiyin, ils ont toujours enseigné ce principe-là à leurs élèves, génération après génération, jusqu'à nos jours. Et les grands imams de la sunna aujourd'hui dans le monde musulman, ils ont toujours enseigné ces principes-là dans leurs livres. Ok? Mais vous avez vu par exemple les ikhwan, ils ont toujours appelé au contraire de ça. Ils ont toujours éduqué leurs jeunes et les gens qui sont avec eux à détester les dirigeants et à se révolter contre eux et à ne pas les écouter et à ne pas leur obéir. Mais lorsque l'un d'entre eux, parmi les frères musulmans, a réussi à obtenir le pouvoir après être entré dans les élections, par exemple, ou bien après un coup d'État dans un pays musulman quelconque, tout d'un coup, on les entend commencer à mentionner ces hadiths-là, alors qu'auparavant, on ne les a jamais entendus les mentionner. C'est comme s'il faut dire pour eux que ces hadiths-là, ils ont commencé à exister uniquement quand leur parti a pris le pouvoir. Et même cet homme-là, Qardawi, une des têtes parmi les têtes des Ikhwan et parmi les têtes de l'égarement à notre époque, eh bien, lui-même qui critiquait toujours les dirigeants et sans aucune gêne et aucune honte, et ceux qui sont comme lui, qui n'ont jamais cité ces hadiths-là, lorsque il y a eu des gens, par exemple, dans certains pays, qui voulaient enlever du pouvoir ceux qui font partie des frères musulmans. Ils ont commencé à dire, non, il faut écouter, obéir aux dirigeants tout d'un coup. Hein? et citer ces hadiths-là avec la feuille, parce qu'il ne l'a jamais mémorisé, il ne connaît pas ces hadiths. Et comme il commence à le lire, et on le voit dans l'émission de télé, hein, il est en train de lire, et il ne sait même pas lire le hadith comme il faut, parce qu'il ne l'a jamais lu de sa vie, il ne connaît pas le hadith. Hein? Alors que ce n'est pas quelqu'un qui ignore la religion, il connaît la religion, il connaît beaucoup de choses de la religion. Mais ça, il l'ignore pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne donne pas d'importance à la sunna et à ses fondements parmi les fondements des salafs. Hein? Donc tout ça pour dire que les gens de la sunna et les salafis, ils appellent à respecter ces hadiths-là. Que ce soit un dirigeant parmi les dirigeants de la sunna, ou que ce soit un dirigeant parmi les innovateurs ou parmi les pêcheurs, c'est, ils appliquent le hadith comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné, peu importe. Mais eux non, eux uniquement quand c'est dans leur partie, oui. Si c'est quelqu'un d'autre, non. Et on va lire les hadiths en question. La plupart des hizbines, ils n'ont jamais entendu ces hadiths là ou bien, hein, comme certains parmi eux qui ont dit ça c'est inventé pour faire plaisir aux dirigeants. Allah al-Musta'an, des hadiths dans le Bukhari et Muslim, c'est inventé pour faire plaisir aux dirigeants. Celui qui dit ça, il n'a pas de religion, il ne croit pas au hadith, il ne croit pas à la sunna. Donc le cheikh il cite, il dit, parmi les exemples, ce qui est rapporté dans le Bukhari et Muslim, selon Ubadat ibn Samit, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris notre serment d'allégeance, hein, sur l'écoute et l'obéissance, quand on est motivé ou dans ce qui nous déplaît, dans la facilité comme dans la difficulté, et même si on prend des privilèges sur nous, c'est-à-dire même si ceux qui sont au pouvoir sur nous se donnent des privilèges dans les choses de la dunya sur nous, et de ne pas disputer le commandement à celui qui le possède. Et il a dit, excepté si vous voyez un coffre clair au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah. C'est-à-dire, seulement si vous voyez un coffre évident et clair de la part de ce dirigeant-là. En dehors de ça, non. Et c'est pour ça, à cause de ce hadith, que vous allez voir que la plupart des frères musulmans, des ikhwan et des khawarij en général, ils concentrent tous leurs efforts dans la religion uniquement sur une chose, comment faire le takfir du dirigeant. Toute leur concentration, même pour eux, quand tu dis à un de ces gens-là, le tawhid pour eux, c'est quoi? C'est comment faire le takfir des dirigeants. C'est ça le tawhid pour les khawarij. C'est pas d'autre chose que ça. Et donc tu te demandes des fois, pourquoi ces gens-là, ils parlent que de ça tout le temps? Parce que c'est ça pour eux la religion. Takfir al-hukam. Allahu al-musta'an. Pourquoi? Parce qu'ils veulent utiliser le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici il a dit illa antara kufran bawahan. Mais quand ils regardent les principes d'Ahlus Sunnati wal Jama'a au sujet du takfir et les règles, hein, et les règles qui ont été mentionnées par les ulama au sujet du takfir, et qu'ils voient que c'est quelque chose qui n'est pas si facile que ça et qui est compliqué et qui a plein de conditions, hein, et qui a plein d'empêchements, là, hein, ça les dérange, parce que les khawarij, eux, ils veulent juste faire le takfir direct. Ils ne veulent pas des règles, des principes et des conditions, non. Eux, c'est facile, direct. Kafir, kafir, kafir, tout de suite. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, ça c'est le premier exemple. Et il y a d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith, également, et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim aussi, il dit, celui qui voit de son dirigeant quelque chose, un péché, une désobéissance, quelque chose comme ça, alors qu'il soit patient. Parce que celui qui se sépare de la jama'a, qui quitte le corps des musulmans qui sont réunis autour de ce dirigeant-là, qui se sépare d'une chibre. Chibre, c'est la longueur d'une main. C'est un exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne pour dire, hein, même si c'est une petite distance, il se sépare de la jama'a, même d'une petite distance, et qu'il meurt dans cet état-là, il meurt comme celui qui est mort à l'époque de la jahiliya. فَمَيْتَتُهُ جَاهِلِيَّةِ Et ça ne veut pas dire qu'il est kafir. Ça ne veut pas dire qu'il meurt dans le coffre ou dans la djahiliya, non. Ça veut dire qu'il meurt dans l'état de chaos et de divergence et de division qui existait à l'époque de la djahiliya. Parce que les Arabes avant l'islam, ils n'acceptaient pas d'avoir un seul chef qui les dirige tous. Chaque tribu voulait être son propre chef. Hein? Et chacune faisait la guerre l'une à l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a toutes réunies par la ilaha illallah derrière un seul dirigeant. Hein? Et celui qui appelle à se séparer de la jama'a, c'est comme s'il appelait les musulmans à revenir à cet état de jahiliya, comment ils étaient avant l'islam, les arabes. C'est ça que ça signifie. Dans l'autre hadith également qui est rapporté par l'imam muslim, il dit « Man khala'a yadan min at-ta'a laqiya Allahu yawm al-qiyama la hujjata lah. » Celui qui retire sa main de l'obéissance, de l'allégeance qu'il a à son dirigeant, il rencontrera Allah au jour de la résurrection, il n'aura aucun argument en sa faveur. Un autre hadith qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Isma'u wa ati'u wa in ummira alaykum abdun habashiyun » Écoutez et obéissez, même si on a mis sur vous un dirigeant éthiopien, esclave éthiopien. Non seulement il est étranger, mais en plus il est esclave. Peu importe, c'est votre dirigeant, vous devez l'écouter et lui obéir dans le bien. Hein? Il dit « Wa qala alayhi salatu wa salam ala al-mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa karih illa an yu'mara bi ma'siyah fa idha umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a. » Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ça c'est rapporté par al-Bukhari et Muslim aussi, le musulman, hein, l'homme musulman, la personne musulmane, elle doit écouter et obéir dans ce qu'elle aime et dans ce qui lui déplaît. Excepté si elle est ordonnée de faire un péché. Et si elle est ordonnée de faire un péché, dans ce cas-là, elle ne doit ni écouter ni obéir dans le péché. Un autre, et ça c'est rapporté par Al-Bukhari, Muslim, comme on a dit. Un autre hadith rapporté par Abdullah, par Abdullah ibn Mas'ud, ou selon Abdullah ibn Mas'ud, il dit « Kunna ma'al Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin » فنزلنا منزلا فنادى مناد فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها ويصيب آخرها بلاء وأمور تمكنها وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي وتجيء الفتنة فيقول هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر رواه مسلم. Le cheikh, il cite ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim selon Abdullah ibn Umar. Il dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un voyage. Puis nous sommes installés à un endroit. Et le muadzin du messager d'Allah a appelé les gens. As-salatu jami'a. Et c'est-à-dire, hein, ils appellent les gens pour qu'ils se réunissent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quelque chose à leur dire. Alors, ils se réunissent. Il dit, nous sommes réunis autour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous a dit, il n'y a pas un prophète que Allah a envoyé, excepté que c'était un devoir pour lui d'indiquer à sa nation le bien qu'il connaissait pour eux et de les avertir du mal qu'il connaissait pour eux. Il dit que cette umma, la umma de l'islam, Hein? Son pardon et son yani afiyatuha, le fait qu'elle a été protégée et exemptée dans son début. Il dit, et les derniers d'entre eux, cette umma, vont subir des épreuves et beaucoup de choses qu'ils vont condamner, qu'ils ne vont pas aimer, qu'ils ne vont pas apprécier, qu'ils vont rejeter ou condamner. Et les tribulations et les épreuves vont venir les unes après les autres. يُرَقِّقُ بَعْدُهَا بَعْضًا. C'est-à-dire que quand il y a une fitna qui va venir, elle va être de plus en plus grosse. Celle qui vient, elle va faire paraître celle qui était avant, comme si elle était légère par rapport à celle-ci, hein, à la nouvelle. C'est-à-dire que là tu es dans une fitna. Tu te dis, cette fitna, elle est grave. Puis il y en a une autre qui va venir après, elle va faire paraître cette fitna comme si elle était petite par rapport à l'autre. C'est-à-dire que les fitanes qui vont arriver à la fin des temps, elles vont être chacune à chaque fois de plus en plus graves. يُرَقِّقُ بَعْدُهَا بَعْضًا. Et la fitna va venir, et le croyant va dire, celle-ci, ça va être ma perte. Ça va être ma fin. Et il y en a une autre qui va venir après elle. Il va dire, la voici. C'est celle-ci qui va être ma fin. À chaque fois qu'il y en a une qui vient. Donc celui qui veut être épargné et éloigné de l'enfer et rentrer au paradis, alors que la mort lui vienne, alors qu'il est croyant en Allah et au jour dernier, et qu'il traite les gens ou qu'il agisse envers les gens de la manière qu'il aimerait que les gens agissent envers lui. Et celui qui a donné son allégeance à un dirigeant, qui lui a donné sa main et le fruit de son cœur, alors qu'il lui obéisse dans ce qu'il est capable. Et si un autre vient pour lui disputer le pouvoir, alors frappez le coup du deuxième. C'est-à-dire, s'il y a un qui est au pouvoir et un autre qui vient pour lui disputer le pouvoir, pour l'enlever ou pour prendre sa place, coupez la tête du deuxième. Ça, c'est l'exemple de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Personne n'a le droit de venir disputer le pouvoir de celui qui est au pouvoir maintenant. Ça vient tout de suite détruire l'idéologie des koufars de la démocratie. Là. Hein? À chaque 4 ans, un nouveau qui vient se présenter, qui vient essayer d'insulter l'autre ou de trouver des fautes sur lui pour dire « Ah, il n'est pas bon, il faut l'enlever, moi je vais être meilleur. » Puis 4 ans après, il y a un autre qui vient pour montrer ses défauts à lui aussi. Et 4 ans après, il y a un autre là, qui fait la même chose à l'autre. Et c'est une roue qui tourne et qui finit jamais. Et à la fin, les gens deviennent dégoûtés. Les gens deviennent dégoûtés de la politique, dégoûtés des dirigeants. Et ils font plus confiance à personne parce qu'ils disent « Ils sont tous mauvais. » Et c'est ça la réalité des gens aujourd'hui. Quand ils voient les gens, ils disent, ah, sont tous pareils, ça ne sert à rien. Dans des élections, tu vois qui se passe maintenant dans les pays, différents pays, que ce soit les pays musulmans ou non musulmans, des fois tu vois des gens qui disent, tu regardes le taux de participation par exemple dans les élections aux États-Unis, en France ou au Canada, 40%, hein, 30%, 30% de participation. C'est-à-dire, les gens, ils ne croient même plus à ce système-là. C'est juste pour dire, c'est devenu un mot que les gens disent, démocratie, démocratie. Mais ça veut plus rien dire. Là. Les gens savent tous que c'est de la bêtise. Allah al-musta'an. Il dit, وَأَمَّ بَيَانُهُ قَدْرًا. Il dit, en ce qui concerne son explication dans ce que Allah a créé et qu'est-ce qu'il a prédestiné, eh bien, il dit que c'est quelque chose qui est connu de l'état de la Ummah lorsqu'elle était accrochée à sa religion. Ils étaient réunis. Hein, et ils respectaient leurs dirigeants. Hein, et ils obéissaient à leurs dirigeants dans le bien. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le pouvoir et l'autorité sur la terre. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, le verset 55 dans Surat An-Nur, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a promis à ceux qui ont cru d'entre vous et qui ont fait des bonnes œuvres qu'il allait leur donner la succession sur la terre comme il l'a donné à ceux qui étaient avant eux, et qu'il allait leur donner l'établissement et le pouvoir sur la terre. Il allait donner l'établissement et le pouvoir à leur religion qu'il a agréé pour eux, et qu'il allait changer leur situation de crainte en sécurité. Puis il mentionne à la fin la condition de ça. Ils m'adorent moi seul, ils ne font pas de shirk avec moi. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Donc ça c'est la preuve dans la réalité, dans la création, dans les faits. Et donc il dit également dans le verset 40 et 41 dans sourate Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et nous allons donner la victoire à ceux qui donnent support et qui supportent et qui donnent victoire à la religion d'Allah et à la cause d'Allah. Allah est certes fort et puissant. Ceux qui, lorsque nous les avons établis sur la terre, établissent la salat, donnent la zakat, ordonnent le bien et interdisent le mal. Et c'est à Allah qu'appartient la conclusion des choses, la bonne conclusion des choses. Donc lorsque les innovations et les choses inventées sont apparues dans la umma de l'islam, et que les gens se sont divisés dans leur religion, et qu'ils se sont opposés à leurs dirigeants, et qu'ils se sont révoltés contre eux, ils sont devenus des sectes, et le respect et la peur qui était dans le cœur de leurs ennemis a été retiré de leur cœur. C'est-à-dire les ennemis de l'islam ont cessé de craindre les musulmans à cause de ça. Et ils se sont divisés entre eux, et ils ont échoué et leur force a été retirée. Et les différentes nations se sont invitées les uns les autres pour prendre chacun une partie des territoires des musulmans. Ils sont devenus comme l'écume sur l'eau. Les musulmans sont devenus faibles comme l'écume sur l'eau. Et il y a des musulmans aujourd'hui qui disent il faut faire le djihad. Il faut faire le djihad pour retrouver notre honneur, notre fierté, notre gloire. Sans revenir à la pratique du Coran et de la Sunna, sans revenir à l'obéissance aux dirigeants et le respect du Coran et de la Sunna, sans s'accrocher à la voix des salaf al-salih et à leur compréhension, sans s'attacher à tous les aspects des principes de l'islam, comment tu penses que tu vas sauter de ça avec les bid'ah, les innovations, la déviation, l'égarement, les passions, les péchés, les désobéissances, et après tu vas penser que tu vas faire le djihad dans cet état-là? Quel djihad? Ça c'est le djihad des khawarij que vous voyez aujourd'hui là, le djihad dans les jeux vidéo. Ils achètent des jeux vidéo de combat, de guerre, puis ils pensent que c'est ça le djihad. C'est des choses pas sérieuses. C'est pas le djihad. C'est pas comme ça que vous allez faire revenir la gloire de l'islam. Il n'y a pas de djihad sans le dirigeant. Impossible. Et ça, c'est un des fondements parmi les fondements des salafs. Regardez, si vous ne croyez pas, si vous voulez la preuve des exemples de ça, regardez sur le sunnah de l'imam Ahmad. Il dit le djihad va toujours demeurer derrière les dirigeants. Il n'y a pas de djihad sans les dirigeants. Impossible. Et il dit le cheikh, donc, tout ça c'est les résultats de ça. Tu veux corriger la situation dans laquelle les musulmans sont aujourd'hui, tout ce qu'on voit là c'est les symptômes. Mais ce n'est pas la cause. Tout ce qu'on voit aujourd'hui comme les problèmes, là, ça c'est les symptômes de la maladie. Mais ce n'est pas la cause de la maladie. La cause de la maladie, c'est le fait que les musulmans se sont éloignés de la sunna, se sont éloignés de la religion. Pour régler cette maladie, ce n'est pas juste cacher les symptômes ou essayer de amener un élément parmi les éléments. Non, il faut corriger la cause, revenir à la base. Hein? Et c'est ça que les ulama ils sont en train de nous expliquer. Et donc le cheikh il dit, ça c'est un fondement que la plupart des gens qui prétendent à la science et qui prétendent vouloir défendre la religion ignorent. Et ils l'ont abandonné dans l'application. Et c'est pour ça que tu vois chaque individu parmi les individus de la population se prétend lui-même dirigeant ou amir, où il pense qu'il a le niveau ou le statut du dirigeant. Et tu vois qu'ils se forment des groupes, des jama'at, et chaque jama'a se choisissent un chef, un amir, et ils considèrent que c'est lui qui est le représentant. Alors qu'ils sont dans un pays musulman où il y a un dirigeant musulman. Et ça c'est appelé à diviser la umma, encore une fois. Allahu al-musta'an. Donc le cheikh il dit l'obligation pour nous tous, que nous soyons dirigeants ou que nous soyons des gens, des membres de la population d'un pays musulman, c'est d'établir ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire sur nous, de nous aimer entre nous, de collaborer entre nous sur la bonté et sur la piété, et de nous réunir sur qu'est-ce qui nous ramène le bien pour être parmi ceux qui ont le succès. Et nous devons nous réunir sur la vérité et collaborer ensemble sur la vérité. C'est pas, comme je disais hier, juste le fait de s'unir pour s'unir. Peu importe nos divergences, peu importe nos tendances, peu importe nos croyances, peu importe nos voies, notre méthodologie, non. Si on s'unit, il faut s'unir sur la vérité, sur le Coran et la Sunna et la compréhension de nos salaf al-salih. Et de purifier toutes nos œuvres pour qu'elles soient sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on fasse des efforts pour atteindre un objectif unique, et c'est de réformer cette umma en la réformant dans la religion et en la réformant dans la dunya selon la capacité, selon ce qu'on est capable. Et il dit, on ne sera pas capable, on n'arrivera pas à faire cela jusqu'à ce qu'on se mette d'accord entre nous sur la parole, sur la vérité, qu'on se mette tous d'accord et qu'on délaisse nos disputes et nos oppositions qui ne réalisent pas notre objectif, et qui nous fassent, qui nous éloigne de notre objectif et qui même nous amène à être perdus justement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est sur la bid'a, qu'il abandonne sa bid'a pour revenir à la sunna. Celui qui est dans l'ignorance, qu'il apprenne. Celui qui est dans l'erreur, qu'il admette son erreur et qu'il revienne à la vérité. Celui qui est éloigné de la du Coran et de la Sunna, qu'ils reviennent au Coran et à la Sunna. Celui qui est loin de la compréhension des salafs, qu'ils reviennent à la compréhension des salafs. Celui qui est sur la voie des gens de bid'a, qu'il quitte la voie des gens de bid'a. Sinon, on ne peut pas s'unir. On ne peut pas s'unir sinon. Mais ça demande, bien entendu, qu'on apprenne notre religion comme il faut et qu'on appelle les autres à venir aussi sur cette voie-là qu'on suit. De les inviter à la voie des salafs, à la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Sans da'wa, il ne peut pas y avoir de changement, sans travail. Ça, c'est le travail des prophètes. Il faut faire cet effort-là. Et le cheikh, il dit donc, lorsque notre parole est divisée, et que la population se révolte et se rebelle, et que la passion s'introduit parmi les les gens et les animosités et la haine, et que chacun essaie d'exécuter et fait l'effort pour exécuter sa propre parole, hein, et qu'on clarifie la vérité, et que même si on clarifie cette vérité-là et cette justice, les gens veulent le contraire, alors dans ce cas-là, on s'est éloigné de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a orienté de suivre lorsqu'il dit: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Une fois, j'ai écouté, je me rappelle, il y a bien longtemps, hein, au début, quand j'étais converti à l'islam, j'écoutais une conférence. Et cette conférence-là, c'était une conférence organisée par les Ikhwan. Et au début de leur conférence, ils amènent un jeune pour réciter certains versets. Et ils récitaient ces versets-là. Hein? Et maintenant, et après, par la suite, quand j'ai su la réalité de la voix des Ikhwan, j'ai dit, subhanallah, des gens comme ça, ils citent ce genre de verset et ils sont les premiers à le contredire. Hein? Hassan al-Banna, le fondateur des Ikhwan, lui-même, il était lui-même sur une tariqa soufie. Il a grandi dans le tasawuf. Il a grandi dans la soufie. Il a même donné l'allégeance bay'a à un cheikh de la tariqa al-Husafiyya al-Shadhiliyya. Il a grandi là-dedans. Il faisait partie des gens qui célébraient le Mawlid al-Nabawi, qui allaient visiter les tombes et les endroits où les gens adorent les tombes et les saints. Il fait partie des gens qui sont dans la aqida des Ash'ara, qui font le tafouir des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, dans les questions de fiqh, il suit sa passion, hein, et ses désirs. Donc, comment tu veux dire que quelqu'un comme ça, hein, il mentionne ce genre de verset et des gens qui le suivent et qui le prennent comme imam dans la religion et comme référence dans la religion? Non seulement ça, il accepte toutes les tendances et toutes les croyances et toutes les bid'ah. Pas de différence pour lui. C'est même un des premiers qui a appelé en Égypte à ouvrir un centre de rapprochement entre les musulmans et les rafidah, shi'a. Il a fait ouvrir ça en Égypte, soi-disant de rapprochement. Hein? C'est uniquement dernièrement que Qardawi l'a admis. Hein? Il n'y a pas longtemps, quelques années, que Qardawi l'a admis. Il dit, mes frères, des savants de l'Arabie Saoudite, ils avaient raison sur les Rafidah pendant des années, alors que moi, j'avais tort. Il a admis qu'ils s'étaient trompés, il les défendait tout le temps. Dernièrement, il a compris que les Rafidah, ils utilisent uniquement cette histoire de rapprochement pour profiter, pour amener des gens de la Sunna pour les convertir à la voie des Shia et des Rafidah. C'est une ruse, cette histoire de rapprochement. Et donc il cite ce verset-là, Allahul Musta'an, et parmi eux tu trouves les Khawarij, tu trouves les Soufiyya, tu trouves les Asha'ira, tu trouves les Maturidiyya, tu trouves les modernistes, les Mu'tazila, tu trouves des Shia, tu trouves toutes les sectes. Et en plus c'est un parti politique. Hein? Donc des gens comme ça, après ils récitent ce verset: cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas, alors qu'ils font l'apologie de la division et ils encouragent les musulmans à rester divisés, et ils condamnent et critiquent ceux qui appellent les musulmans à s'unir sur la vérité. Donc il faut faire attention, hein? C'est pas n'importe qui récite le Coran qui le récite vraiment dans son sens réel. Donc si Il dit le cheikh que si toute personne, il sait ce qui est pour lui en sa faveur et ce qui est contre lui, et ce qui a été établi selon la sagesse, hein, et bien dans ce cas-là, les choses vont être bien organisées de la manière la plus complète et plus parfaite. Et pour compléter ce principe-là et ce fondement-là, le cheikh, il mentionne que ce fondement, parmi les fondements d'Ahl Sunnah, il a été contredit par les Khawarij et les Mu'tazila. Et à notre époque, il y a beaucoup de ces groupes qui, justement, ont adopté ce principe des Khawarij et des Mu'tazila. Peut-être qu'ils ne vont pas s'appeler Khawarij et Mu'tazila. Encore là, une fois, je vous mentionne encore, je vous rappelle encore une fois, laissez-vous pas tromper par les noms seulement. Parce que qu'est-ce qui est le plus important, c'est les règles, les principes et les fondements. Si vous voyez quelqu'un qui critique les dirigeants, qui insulte les dirigeants, qui appelle à se révolter contre les dirigeants, peu importe le nom qu'il se donne, même s'il ne dit pas on est Khawarij, même s'il ne dit pas on est Mu'tazila, si c'est ça son principe, si c'est ça son fondement, s'il appelle à ça, s'il incite à ça, il est parmi ces gens-là, il suit cette voie parmi les voies de Bid'a. Ce n'est pas nécessaire qu'il se donne le titre ou le nom. Il n'y a personne aujourd'hui qui va dire « Je suis un Khariji ». Il n'y a personne aujourd'hui qui va venir vous voir, qui va se présenter à vous. « Assalamu alaikum mon frère, je suis de la secte des Mu'tazila. »« Assalamu alaikum mon frère, je suis de la secte des Khawarij. Hein? »« Je t'appelle à la bid'a. » Personne. Il n'y a pas un Mubtadi' qui va venir vous dire directement devant votre visage quand il vient vous parler « Me voici, je fais partie de Ahlul Bid'a et je t'appelle à suivre la Bid'a avec moi. Viens avec moi sur la voie du Shaytan. » Même le Shaytan, Iblis, s'il vient t'appeler à la voie de l'égarement, il ne va pas te dire « C'est moi, Iblis, je t'appelle à l'enfer, viens, suis-moi. » Il va utiliser une ruse. Quand il est venu à nos premiers parents, Adam et Hawa, hein? Il leur a dit lakum nasihun amin, je suis pour vous un conseiller fiable, honnête, hein? Je veux pour vous le bien. Il ne vient pas pour te dire je suis le shaitan, je veux t'amener en enfer. Laissez-vous pas tromper par les apparences, laissez-vous pas tromper par les noms. Regardez les choses en dessous, les règles, regardez les principes, comprenez les fondements d'Ahl Sunnati wal Jama'a, comprenez les règles, les principes derrière les fondements des salafs. Comprenez leurs fondements. Parce que tu vois des jeunes, à chaque fois ils trouvent quelqu'un de nouveau sur Internet, soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit sur n'importe quel site. « Ah, j'ai entendu un prêcheur, j'ai entendu un cheikh, est-ce que lui il est correct? Est-ce que je peux écouter un tel? Est-ce que je peux écouter un tel ?» Est-ce qu'à chaque fois tu vas trouver quelqu'un de nouveau sur Internet, à chaque fois tu vas te poser la question à son sujet? Mais si c'est comme ça, ça veut dire que ça ne va jamais finir. Hein? Mais apprends tes fondements, apprends les règles, apprends les principes, connais qui sont les imams de la sunna, connais qui sont les grands ulama de la salafia, et hein, limite-toi à ceux-là. Hein? Pourquoi tu veux toujours trouver le nouveau prêcheur, le nouveau cheikh? Il y en a comme ça. Ils cherchent toujours la nouveauté. Mais, hey, t'as entendu ce nouveau cheikh? Hein, moi, j'ai découvert ce nouveau cheikh. Personne ne le connaît, c'est juste moi, mashallah. A'udhu billah. Ça me fait penser à la mode des jeunes avant l'islam, quand ils écoutaient des chanteurs ou des vedettes de rap. Mais j'ai trouvé le nouveau groupe qui est apparu. Personne ne le connaît. Moi, je suis le premier qui l'a découvert. A'udhu billah. C'est pas un jeu, c'est ta religion, c'est ton akhira. Tu vas mettre ton au-delà entre les mains d'un inconnu, tu vas mettre ton au-delà entre les mains du premier venu comme ça, que t'as jamais, tu sais même pas rien sur lui, tu sais même pas d'où il sort, juste parce qu'il parle bien, tu l'écoutes. Ah mon frère, je l'ai écouté, ça m'a boosté, ça m'a fait du bien dans ma foi. Oui, mais c'est quoi ses fondements? C'est quoi ses principes? Est-ce qu'il suit la voie d'Ahl Sunnah? Ou bien il est sur une des voies parmi les voies des gens de Dalal? Et il commence par des belles choses pour t'attirer, pour par la suite te noyer avec lui. comme les salafs, ils ont dit, les gens de Bid'a sont comme des scorpions. Ils enterrent leur corps dans le sable et ils laissent leur dard dehors pour te piquer. Donc, même parmi les salafs, il y en a qui ont dit, le Moubtadir, si quand il venait te voir, il commençait directement par te parler de sa Bid'a, tu saurais tout de suite, tu prendrais garde. Mais il commence par te dire des choses de vérité. Puis une fois que tu les as acceptées, c'est comme l'hameçon pour le poisson. Quand quelqu'un veut pêcher le poisson, il prend un hameçon, quelque chose qui brille, quelque chose qui attire le poisson. Une fois que le poisson il l'a mordu, l'hameçon est bien ancré dans sa bouche là, il ne peut plus l'enlever. C'est ça la bid'a. C'est ça la voie des gens de bid'a. Il t'attire par quelque chose de bien, de vrai au début. Une fois qu'ils t'ont attrapé, ça y est. Après, tu es dans l'égarement. Donc, le cheikh, il dit, les Khawarij, ils se sont révoltés contre les dirigeants musulmans avec les armes, en prétendant vouloir appeler à juger selon la charia parfaite d'Allah. Et pour dire que les dirigeants doivent faire partie des gens de la perfection, qui sont infaillibles de faire des péchés. Parce que pour eux, le dirigeant doit être infaillible. Parfait. Ça, c'est la aqidah des Shia, c'est la aqidah des Khawarij. Le dirigeant, il doit être parfait, infaillible. S'il fait des péchés, des erreurs, il ne peut pas être dirigeant pour eux. Donc, ils disent que s'il est tombé dans des grands péchés, il a commis un acte de mécréance, il devient kafir. Donc ils veulent des dirigeants parfaits et infaillibles. Et ils disent que si quelqu'un meurt sur un grand péché, il va être éternellement en enfer. Parce que eux, ils considèrent que celui qui fait un grand péché, parmi les grands péchés, ils deviennent kuffar. Et ils se révoltent contre les dirigeants avec l'épée, avec les armes. C'est pas obligé d'être une épée. Les salafs, ils disent, ils se révoltent avec l'épée. C'est pas obligé d'être une épée. Ça peut être un fusil, ça peut être une arme moderne. C'est pas obligé d'être une épée seulement, mais c'est l'idée de sortir contre le dirigeant avec les armes. Et il brise le bâton de l'autorité et de l'obéissance, c'est-à-dire il divise les musulmans. Et donc, le résultat de ça, c'est que ça cause des écoulements de sang et le meurtre des innocents et la complication des choses de la vie, de la dunya et de la religion. Tout devient difficile par la suite. Même l'application, la pratique des choses les plus simples de la religion devient compliquée. Même pour sortir pour faire ta salat. Quand tu sors, tu sors de chez toi, il n'y a pas de sécurité dans la société. Il n'y a plus de police, il n'y a plus de... Il n'y a plus d'ordre. Peut-être tu sors pour aller prier, tu ne reviens pas. Parce que une balle perdue, puis tu es mort. Et on ne sait pas si c'est intentionnel ou non. Peut-être c'est pas une balle perdue. Quelqu'un qui convoitait tes biens, ou qui convoitait autre chose, et puis qui veut se venger. Il n'y a plus de loi. C'est la loi de la jungle. Il n'y a plus de dirigeants, donc il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus d'ordre. Même les poubelles, il n'y a plus personne qui vient les ramasser quand il n'y a pas de dirigeants. Même les poubelles, tout le monde jette leurs poubelles n'importe où dans la rue. Parce que quand il y a un dirigeant, les gens ils savent qu'il faut mettre les poubelles ici. Si tu ne mets pas tes poubelles ici, tel jour, à telle heure, il y aura une amende, il y aura une peine. Mais quand il n'y a plus de dirigeants, même les poubelles, c'est le chaos. Tout le monde jette leurs poubelles partout, n'importe où. Tu vois ça dans certains pays où il n'y a pas d'autorité, où il n'y a pas de dirigeants. Les poubelles sont traînées partout dans la rue. C'est la saleté, le désordre partout. Les ulama, ils mentionnent ça comme exemple à chaque fois. Il dit, et parmi les exemples de révolte et de rébellion contre les dirigeants, le fait de se rebeller contre le dirigeant par la parole, c'est pas juste la révolte contre le dirigeant avec les armes, Même avec ta langue, tu peux faire la révolte contre le dirigeant. Quand tu les insultes, quand tu les critiques, quand tu fais leur takfir, quand tu parles dans leur dos, hein, tu leur fais le rib al-namima. Tu dis à un frère parmi ces gens-là, tu dis à, parmi un de ces éléments-là, hein, ces individus, tu dis, ah mais t'as parlé dans mon dos. Il dit, ah t'as parlé dans mon dos, pourquoi tu parles dans mon dos? Alors que c'est un mubtadi. Mubtadi, un khariji, tu mets en garde contre lui, les salaf, ils ont dit, si quelqu'un il appelle à la voie de bid'ah, t'as le droit de mettre en garde contre lui et d'avertir les musulmans contre lui. Ça c'est pas de riba, ça c'est pas de namima, ça c'est un nasiha, ça c'est le bon conseil dans la religion. Il n'y a aucun mal là-dedans. Mais il vient te voir et dit, t'as parlé contre moi, t'as fait le namima, t'as fait le riba. Tu dis aux gens que de pas m'écouter. Tu mets en garde contre moi. Oui, je mets en garde contre toi. Parce que tu appelles à la voix des khawarij. Tu fais le takfir des dirigeants. Tu insultes les dirigeants. Tu parles contre eux. Hein? Ça, c'est la voix des khawarij. Donc oui, je mets en garde contre toi. J'avertis contre toi. Et c'est pas une riba ou une namima. Ça, c'est une nasiha pour les musulmans. Tandis que toi, tu fais le riba des musulmans, des dirigeants de la Ummah, des chefs des pays musulmans, tu fais le riba contre eux. Tu parles contre eux, tu mentionnes leurs péchés devant tout le monde. Est-ce que t'aimes que je mentionne tes péchés devant tout le monde? Hein? Mais toi, tu le fais de celui qui est dirigeant. Faire le riba du dirigeant, c'est plus grave que faire le riba d'un individu parmi les individus. Faire le riba contre les ulama, c'est plus grave. Hein? Mais dans ton cas, je n'ai pas parlé de tes péchés personnels, des choses que tu fais toi dans ta vie personnelle. Je n'ai pas parlé de ça. J'ai parlé et j'ai mis en garde contre les égarements auxquels tu appelles et les choses dans lesquelles tu as contredit la voix des salafs, pour que les musulmans soient mis en garde contre toi et pour qu'ils sachent que tu es dans l'égarement et pour pas qu'ils suivent ta voix. Hein? Donc ça, c'est une obligation. C'est pas seulement permis, c'est obligatoire. Et ceux qui ne sont pas convaincus de ça ou qui doutent de ça, regardez les paroles de l'imam al-Nawawi dans son livre Riyad al-Salihin, le chapitre 256. Ma yubahu min al-riba. Après le chapitre sur la médisance, le chapitre suivant, qu'est-ce qui est permis de la médisance? Et il mentionne les preuves de la sunna que ces choses-là ne font pas partie de la médisance. Et que d'avertir contre l'innovateur ne fait pas partie de la médisance. Le cheikh, il dit ensuite, donc peu importe que cette parole que tu dis, quand tu te rebelles contre le dirigeant par la parole, peu importe que ce soit une parole écrite, une parole audible que tu as mentionné, enregistré dans un audio, ou que ce soit quelque chose qui est prononcé sur un mimbar, hein, devant tout le monde, c'est la même chose. Comme par exemple une des têtes parmi les têtes des Hizbiyin, par exemple au Maroc, Abdussalam Yassine, le fondateur de la secte du groupe de Al-Adl ou Al-Ihsan, qui ont une mosquée ici justement à Montréal qui s'appelle Bel Agir, qui suivent le soufi Khurafi Abdussalam Yassin, un soufi égaré de la tariqa Boutchichiya, Al-Qadiriya. Hein? Et lui, il a écrit une lettre ouverte dans le journal contre le roi du Maroc. Ça, c'est la voix des Khawarij. Et à chaque fois, ils font des manifestations au Maroc et même ici à Montréal contre le roi. Tout ça sont des manifestations de la voix des Khawarij. Hein? Donc peu importe que ce soit écrit, peu importe que ce soit prononcé ou audible dans un audio ou autre, c'est la voix et le manhaj des Khawarij. Hein? Et il dit que la révolte par la parole, c'est en réalité une des choses qui amène à la révolte par les armes. Parce que la révolte elle ne sort pas comme ça du jour au lendemain par les armes. Quelqu'un il décide, il se réveille le matin et dit ah, je vais prendre les armes. Non, il y a eu des incitatifs auparavant, des paroles, des gens qui ont commencé à parler, critiquer, insulter, hein, provoquer contre les dirigeants. Et une fois que ces paroles-là sont sorties, eh bien là, c'est à ce moment-là que les gens ont dit, ah, ça y est, c'est assez là, on va prendre les armes. Hein? Donc, il dit, celui qui veut faire il a vu chez le dirigeant une erreur ou un péché. Hein? Eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il y en a qui disent, ah, vous, ça y est, les salafis. Hein? Vous voyez l'injustice du dirigeant, ça y est, vous écoutez, vous obéissez, puis c'est fini. Hein? Vous faites rien? Non, on fait. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit? C'est-à-dire, dans ce genre de situation-là, on règle le problème et la situation selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire en donnant la nasiha. Mais pas la nasiha comme les khawarij, de parler en public et de condamner en public et de critiquer en public le dirigeant, non. Devant tout le monde, non. En privé. Hein? De façon privée, de façon confidentielle. Tu donnes la nasiha au dirigeant de façon confidentielle, pas de façon générale et publique. Si ton intention, quand tu veux donner la nasiha au dirigeant, c'est réellement de faire preuve de sincérité envers Allah, et que c'est pour Allah que tu donnes la nasiha, pour avoir d'Allah la récompense, et pas pour autre chose. Parce qu'il y en a parmi les gens, quand ils veulent donner la nasiha, c'est pas pour Allah, c'est pour se montrer eux-mêmes, pour se faire voir des gens, pour faire dire aux gens, regardez, moi je suis courageux, j'ai pas peur. Moi, je vais critiquer le dirigeant devant tout le monde, hein, pour se faire remarquer, pour se faire voir, pour que les gens lui fassent des éloges, pour que les gens disent de lui, regarde, il n'a pas peur, il est fort, il est courageux. Alors, il n'est pas sincère, il n'aura aucune récompense, parce que ça, c'est ria. Il n'a aucune récompense dans ça. Mais s'il est sincère, il va suivre l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il va faire la nasiha à ce dirigeant-là, de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de le faire, hein, en privé. S'il n'est pas capable de dire « Ah, mais je ne peux pas le faire au dirigeant en privé parce que je ne le connais pas, donc si j'essaie d'aller le voir, ils ne vont pas m'accepter, ils ne vont pas me laisser aller lui parler. » Alors dans ce cas-là, tu passes par quelqu'un qui a accès justement à ce dirigeant, parmi ses ministres, ou parmi ses députés, ou parmi les ulama qui ont accès à lui, ou les gens qui ont la capacité de faire passer le message vers lui. Hein? Tu écris une lettre. Hein? Toutes sortes de façons. Si tu es sincère, si ton intention c'est vraiment de plaire à Allah, et si ton intention c'est réellement ça, et que tu n'y arrives pas par tous les moyens que tu as essayés, Allah il ne va pas, hein, yani négliger cette intention et cet effort de ta part. C'est-à-dire que même si tu n'y arrives pas et que tu n'as pas été capable de transmettre ta nasiha, Allah il sait que tu avais l'intention, il va te récompenser pour ça quand même. Mais tu ne vas pas dire, ah, puisque je n'étais pas capable, ça veut dire que je vais le dire devant tout le monde. Non. Hein? C'est pas comme ça. Et il y en a certains parmi les gens d'égarement qui disent, ah, qu'est-ce que tu racontes toi? Yani, de dire ça devant tout le monde, hein, de dire ça devant le dirigeant, de donner le bon conseil au dirigeant, dire la parole de vérité devant le dirigeant, ça c'est un djihad. Hein? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, kalimatu haqq inda sultanin ja'ir, de dire une parole de vérité devant un dirigeant injuste. Donc moi, il dit, moi, j'applique ce hadith. Je vais dire la vérité. Hein? Je dis la vérité, la parole de vérité. Et ça, c'est un dirigeant injuste. Donc, il est là dans le même bar, ou bien il est assis dans le café, sur la rue Jean Talon, en train de jouer aux cartes, et de boire son café, et de fumer la cigarette, puis là, il critique le dirigeant dans son pays. Allah al-Musta'an. Et c'est ça, kalimatu haqq, inda sultan injair. Le cheikh, il dit non. En arabe, inda, ça veut dire que tu es avec lui, présent, devant lui. Tu vas le voir, lui, et tu lui dis devant la parole, devant lui, tu lui dis la parole de vérité, si tu es courageux. Hein? Pas comme un lâche, hein? Un peureux. Tu es à des kilomètres de lui, très loin de lui, puis tu dis, ah, moi je dis la parole de vérité devant lui. Non. Devant lui, ça veut dire en sa présence. Hein? Et donc, le cheikh, il dit, il faut que tu sois réellement présent avec lui lorsque tu lui donnes, hein, que lorsque tu dis cette parole de vérité. Il dit, pas dans les rassemblements, ou sur le mimbar, ou dans des endroits comme ça, dans des endroits fermés, puis tu veux juste attiser le chaos et le désordre et faire plonger la Ummah dans ce genre de chaos. Hein? Et c'est ainsi que tu détruis les gens, hein, avec des révoltes et des révolutions, et comme le printemps arabe. Qu'est-ce qu'ils ont appelé le printemps arabe dans les pays arabes? Qu'est-ce qui a été comme quel printemps on a vu découler de ça? Aucun printemps. Hein? Comme Cheikh Al-Fawzan, il a dit, ça c'est pas le printemps arabe, c'est l'hiver. Hein? C'est la mort. C'est pas le bien, ça, c'est le mal. Et donc il dit, après c'est qui en profite de ça? C'est qui profite de ça? C'est les ennemis de l'islam, parmi les koufars, parmi les criminels, parmi les hypocrites, munafiqin, les laïcs, les communistes. Ils en profitent pour envahir les pays musulmans à cause d'eux. Par la suite, il dit, et ça ne ramène aucun bien, et ça c'est en contradiction à ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, et c'est contraire à ce que Allah, le Seigneur des mondes, a ordonné dans son livre. Hein? Il faut donc s'accrocher aux moyens qui sont corrects et qui ont été établis dans la religion pour, hein, établir la vérité et le bien, et pas rajouter de l'eau à la boue, comme on dit en arabe. Et donc il dit, une parole de vérité devant un dirigeant injuste, hein, va vers lui et dis-lui, sinon tais-toi, hein, et crée pas du désordre et du chaos. Hein? Et il dit, les gens, ils ne savent pas la grâce dans laquelle ils sont, excepté lorsqu'ils l'ont perdue dans les pays musulmans. Combien de pays dans lesquels ils vivaient dans le bien, dans, hein, le confort et l'aisance et la sécurité. Et aujourd'hui, ils se mordent les doigts. Comment ils regrettent. Hein? Et même les salafs, ils disaient, même si tu manges du sel avec un dirigeant, c'est mieux que de manger des gâteaux sucrés, hein, sans dirigeant. Parce que tu vois le résultat qui en découle. Regardez la Libye, regardez la Syrie, regardez l'Irak. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des erreurs, des problèmes. Mais ça, maintenant, ça c'est mieux. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Donc il faut utiliser la raison. Hein. Ça, c'est si on n'a pas encore compris la religion, au moins utilise ta raison. Allahu al-musta'an. Il dit, la femme, quand il y a la sécurité, elle peut voyager la nuit, peut-être, et personne va lui, hein, va l'attaquer ou porter atteinte à elle. Parce qu'ils savent qu'il y a une autorité. S'ils font des bêtises ou ils veulent, hein, l'agresser, ils vont se faire attraper, ils vont être punis. Mais quand il n'y a pas de sécurité, quand il n'y a pas d'autorité, yani chacun, c'est la loi de la jungle. Tout le monde se permet de faire ce qu'il veut et suivre ses passions. Hein? Et donc il dit, tu peux voyager n'importe quel moment, le jour, la nuit, tu es en sécurité, tu ne crains pas pour toi-même. Mais nous, on est trop dans la belle vie, en réalité. On est tellement bien, on ne réalise pas à quel point Allah il nous a donné des grâces immenses qu'après, on va courir après les problèmes et aller causer justement et faire en sorte que on détruit cette grâce-là que Allah nous a donnée. Nasarullah al-afiyah. Donc, le cheikh, il dit, les gens, ils courent derrière des choses qui sont des possibilités, des choses peut-être. Hein, on sait, ils disent, on va remplacer ce dirigeant, on va le remplacer par un meilleur. Ils n'ont aucune garantie de ça, aucune sécurité, aucune certitude de ça. C'est des comme le cheikh il dit, sarabun, hein, sarabun la yakun. Sarab, c'est le mirage, c'est comme un mirage. Tu le vois à l'horizon, tu cours vers le mirage, tu penses que c'est de l'eau. Quand tu arrives, tu vois que c'est rien. Qui t'a dit que quand tu vas enlever ce dirigeant-là, celui qui va être après, il ne va pas être pire que lui? Où est-ce qu'elle est la garantie? Et donc, c'est comme ça que les gens, ils parlent avec excitation et ils pensent qu'ils veulent défendre la religion d'Allah. Ils disent on veut appliquer la charia d'Allah. Comme les premiers Khawarij, ils ont dit la hukma illa lillah. Il n'y a pas de jugement accepté pour Allah. Est-ce qu'ils ont appliqué la charia d'Allah? Ils ont juste combattu les sahaba et tué les sahaba. Ils ont tué Ali radiallahu anhu. Ils ont tué les musulmans qui sont sur le tawhid. Et ils ont délaissé les kuffars et les mushrikines. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, il tue les gens de l'islam et il laisse les gens des idoles. C'est ça leur exemple. Donc, « Inil hukmu illa lillah » le jugement n'appartient qu'à Allah, on veut le jugement d'Allah, on veut la sharia. Ça, c'est les prétentions des premiers khawarij. Et aujourd'hui, encore la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient le pouvoir. Donc, ils se concentrent sur ça. Même si pour l'obtenir, ils vont faire un océan de sang. C'est pas grave pour eux. L'important, c'est d'y arriver à leurs objectifs. Hein? Parce que la bid'a, elle n'amène à rien. Hein? Et il dit, elle n'arrive pas à établir la bid'a. Et lorsque le mubtadi, il arrive à s'installer, hein? On voit la réalité de qu'est-ce qu'ils font. Mais par contre, les gens de la foi, quand ils sont établis, on voit l'exemple de leur pratique et de leur sincérité. Donc, il faut revenir à nos fondements, à nos usul, et propager la science parmi les musulmans, parmi la Ummah, et appeler les gens au bien. Et lorsqu'on appelle les gens au bien, ils vont répondre à la guidance d'Allah. Et le bien va se multiplier dans la société. Et le mal va diminuer. Et c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner le bien. Et que le bien va être en majorité. Alhamdulillah. Donc il dit, on demande à Allah, le Seigneur des mondes, de nous épargner. Hein, de tous nous épargner et nous pardonner à tous. Et de réunir les musulmans de l'Est et de l'Ouest de la Terre, il est certes celui qui a le pouvoir sur toutes choses. Donc le cheikh, il a terminé l'explication de ce fondement-là en faisant ce doua. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Est-ce qu'il reste encore du temps? Non? On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain, Inch'Allah, on va essayer de compléter le point numéro 3. On est au point numéro 4, donc il reste 4, 5 et 6. Et Inch'Allah, je pense qu'on sera capable de les terminer demain, Inch'Allah. D'accord? Donc on va s'arrêter ici. Bidnillah, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نشكره أخانا أبا حمد.